j'espère que ça tourne. Je serai tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Si t'as remis là-bas, là-bas. On refera le quiz de Zvertov. Ouais, ouais, t'es pas trop long, ça. Ça passe facile. Cheval. Voilà, le cheval, c'est... C'est trop génial. C'est trop de la neige. Je me suis dit, intérêt à Gandalf, ça, c'est là. Du coup, c'est bon ? Oui. Ah bah oui, là, c'est bon. C'est bon. Comme ouais. Ça, c'est bon. Putain, c'était quoi, du coup, comme série, ça ? Merde. Jean-Claude. Les gens qui mangent du coup, le faire. Il faut rebrancher, monsieur. Oh, merci. Putain, le son, il était loin, et du coup, il est prêt. On va. Générique. Est-ce que t'enregistres pendant le générique ou pas ? Oui. C'est ça, tu vas le mixer après ou pas ? Pas tout de suite, mais bah après j'ai qu'une seule piste, donc j'ai juste à caler en fait à la fin d'une jingle. Alors ça c'est très tordu, mais vraiment mais il peut s'amuser à mettre ce qu'on dit pendant par-dessus du live, c'est comme il veut. C'est bien intéressant. Des fois je le mets, mais à la fin, en bonus, après la musique. Un bonus track et tout. Merci Inspecteur Gadget. C'est trop, il est nul, mais c'est pas grave. C'est un peu fort. Mais d'ailleurs, en fait, Inspecteur Clouseau, c'est un des personnages de la Panthère Rose. La Panthère Rose. Allez bien, allez bien. Allez bien, allez bien. 14 plus tard. Mais en fait, déjà le mot est bien. Mais oui, allez bien, allez bien. Allez bien, allez bien. On est bien. Il a préparé ses briers. Il a préparé. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Il y a un pro qui est trop nul, selon ses dires. Oh, je bouge plus. Moi, je peux pas parler. Oh. Oh. Oh. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Salut. Bienvenue dans cet épisode 8.3 d'Apéro Original. Présentement, Gandalf 80 vous présente tous ses amis autour de la table. Autour de la table, le maître de maison te pulvérise l'oignon avant que tu aies eu le temps de faire la blague poète-poète camion. C'est Azertov. Coucou, c'est moi. Bonjour Azertov. Ça veut rien dire, mais bonjour, ça arrive. Bonjour Azertov. Ouais, c'est bon, ça arrive. Il a le chibre si long qu'il est avec nous autour de la table, mais aussi présentement en train d'uriner. C'est Asto. Asto. Le doute a plané quand même. De qui il parle ? Le doute t'habite. Hein. Le doute m'habite par rapport comme à ta notation. Ah oui, Satan bouchonne quoi. Ouais, ouais, aussi. Aussi, ouais. Il est rond comme un ballon, il est con comme un citron. C'est oui, oui. Il préfère que les chevaux filissent dans son plumard plutôt qu'en lasagne. C'est possédé 80. Bonjour, possédé 80. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'était tout. Excusez-moi, je me présenter moi-même. Répondez aux invités. Et mais attends. Ouais, j'ai pas fait de truc spécial parce que je voulais pas ruiner leur carrière. Non, mais je pense qu'on en est chargé dans les épisodes précédents. Ça, tu peux y aller. Et donc avec nous, présentement, trois invités autour de la table. Donc Wish. Bonjour. Bien connu déjà de nos... Qui est voilà. Le squatteur en fait. C'est un demi-invité parce qu'il devait faire un truc, finalement il l'a pas fait. Donc, c'est un squatteur officiel, il est brillant. Comme Dani. je me lustre tous les jours. Et c'est une dure lutte quand même. Oui, très dure. Dure lutte avant d'aller au lit, fais passer bonne nuit. Ah là là, magnifique. Toi c'est le troisième et du coup c'est les meilleurs. Moi j'aime bien, on sent la progression. Pourquoi on a filé la présentation à Gandalf? Avec nous, bon, voilà, deux invités de Marc, parce qu'ils sont venus avec nous pour podcast. Il s'appelle pas Marc. Et Marc 1 et Marc 2. Marc en barrel, ça aurait fait trop long, j'aurais pas pu. C'est ça. Donc on a Benjir. C'est moi, bonsoir. Bonjour tout le monde, c'est moi Rural Normal. Merci de nous avoir invités. Je suis bien content d'avoir fait la route pour venir jusqu'à vous. Oh putain. Et ça y est, il est chaud. Voilà, quoi, il est super motivé. Allez, vas-y, un kiff. On est des surmotivés, on est déchaînés. Et avec nous, bien sûr, Tocheux. Ouais. De Roule avec moi. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Voilà. On est bien, on est là. Ça, t'as fait le bon route, toi, en fait 3 heures de route, tranquille. 2 heures de route qui allait bien jusqu'à Toulouse, de la merde à partir de Toulouse, et c'est très étonnant. De la surmerde jusqu'à Castres. Je suis sûr que t'aurais pu faire un épisode de 3 heures, en fait. J'aurais pu, mais honnêtement, c'est pas écoutable. J'ai déjà fait un épisode qui a fait 1h30 où j'ai emmené les gens faire les courses avec moi. Et, ouais. Donc non, les amener à podcast, non. Ouais. Pas parce que podcast c'est pas bien, au contraire, j'ai passé une journée jusqu'ici phénoménale. Et quand je dis phénoménal, je pèse mes mots, parce que quand vous serez arrivé au bout des 3 épisodes, je pense que vous aurez compris un peu l'ambiance. je regrette pas, mais non, ça c'est des moments que je garderai que pour moi. Juste. Ah, mais vous ne les gardez que pour soi. Hashtag, il n'y a plus de guacamole. Il n'y a plus de guacamole. Donc, alors après, à part ces invités prestigieux, et bien évidemment ces gens qui ont des chibres gigantesques, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'on passe sur Pod Radio à un horaire et un channel toujours autant indéterminé, sachant qu'en fait on sait jamais quand on passe. De toute façon, on s'écoute pas parce qu'on est trop cons. C'est que 3 mois à l'avance, on sait pas. C'est ça. Podren s'est bien passé, j'espère que. Oui, c'était nickel. Honnêtement, une organisation Alors, un apéro en live, franchement, il était comme ça. C'était ma première édition et je reviendrai l'année prochaine. Est-ce que, ça va, t'as si sans déconner, est-ce que vous avez vu l'hologramme de Gandalf 81? Est-ce que ça, c'était pas beau? Est-ce que ça, c'était pas du talent? Mais si, carrément quoi. Mais Mélenchon, il est vil à pleurer. De suite. Comment il parle du président, lui? Il y a que cette histoire de viol entre podcasteurs sur ce sujet. Ah non, c'est ce qui se passe à Podren. Ça, c'est le off. Ça reste à Podren. Ça, c'est le off. Ça, c'est le off. La drogue de Podren reste à Podren. Elle est bonne. Les micros restent éteints. Qu'est-ce qu'il y avait comme alcool cette année? Dans le off, Et comment tu sais ça, toi? Tu n'y étais pas? J'étais. Il était là en espion. Pour te dire, à MP3 il parlait, la semaine d'après, il y avait encore des gars qui étaient bourrés. Les gars sont arrivés. Ariel, la reine, ils étaient n'importe quoi. Et qui, ils commençaient déjà à attendre le Stunfest alors qu'il n'était pas en 2017. Toi, les gars, magnifiques. Donc, du coup, Podren 2018. Hein, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est sur la rail. On peut déjà donner les dates. On peut dire c'est les 3 et 4. Podcast. Septembre. Cette année, ce sera au mois de septembre. C'est ça, comme mais ça. Non, cette année, c'est déjà au mois de. Mais c'est prochaine, ça, la prochaine, en 2018. C'est à cause du nouveau calendrier qui a été imposé par Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. C'est ça, non, mais t'as déjà dit, c'est février. Avril, c'est mars. Ce sera le 28 Brumose. C'est ça, on est en JLM. Frutidor. Parce que les cocos, bien, mais les crétins. Heureusement que la Bretagne est devenue indépendante. Je pense que c'est eux qui s'en sortent le mieux d'ailleurs. Ils ont bien eu raison. La Corse indépendante, le Pays Basque. Comme quoi, tu mets un bonnet rouge sur la tête et ça mène loin. Tout indépendant. Même le indépendant est indépendant. Comment ça marchait. Quel donc, dommage pour la Corse quand même, ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur leur hymne national. Entre le sud et l'ouest. Il y avait Hymne Ouvrini, mais. Ils ont pris Patrick Fiori. Oh là là là là. Pour les cons. Je crois qu'il y a quand même 12 500 morts, un truc comme ça quoi. Ah bah ils ont fait. Ah bah il reste que les chèvres alors. Qu'est-ce que les chèvres? C'est tout le monde. Les sangliers sauvages. Voilà, je sens qu'on va se faire quand même que des copains là-dessus. Alors pour l'année prochaine, pour podcast, on leur donnera les adresses pour que vous veniez poser une prompte, bien évidemment. Pas sur. Non, Podren, on l'a déjà dit, de toute façon c'est fini là. Podren, c'est Asvin maintenant, c'est podcast. Il y avait le pod anniversaire aussi. Oui, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu que cette histoire de meurtre un peu sordide. Parce qu'il y en a un qui a dit, ouais, moi je mets des trucs sur SoundCloud. Coup de couteau. Ah, mais ça feel good, de toute façon il est très à cheval. C'était à prévoir. C'est ça. Mais voilà, c'est ça, on courait au désastre, Tu sais, genre, puis ils sont cons là-bas, ils sont cons! Ou ça à Nièvre ou. Au-dessus de Montauban! Il y a personne à Nièvre! Mais oui, de toute façon. De toute façon, c'est une équipe de rugby de merde. C'est une belle intro, ça, quand même. Mais oui. 20 minutes, on n'a pas toujours débouché les bières. Hein. On va faire le second encore. Bon, voilà, donc. Et on n'a même pas encore parlé de ce qui s'était passé à MP3 à Paris. C'est vrai, Si, avec cette partouze géante là. Mais alors, c'était comment? Parce que mais toi, c'était fou quoi. En première ligne, c'était fou. Et puis là, la tête de front. Mais il y avait des soutiens-gorge dans la scène et tout. Et en plus, on comprend pas pourquoi. Les actrices de Game of Thrones, elles aiment le podcast. On a rien compris. Elles sont toutes venues, quoi. Toutes il y venues. Avait Nathalie Dormer. Et Milou, il était là. Bon, bah, quand même, un rêve qui se réalise, quand même. C'est compliqué, après, on sait plus quoi faire de la vie, tu vois. Scarlett Johansson, elle est venue. Là aussi. L'épisode va durer 2h30. C'est ça, parce que, en fait, après, ça te fait virer des studios parce que Ghost in the Shell, voilà. Faut pas se mentir, c'est un film de merde. En fait, du c'est coup. C'est quoi cette transition? Parce que, et du, ça y est, elle est partie, là. Parce que tu crois que tu écoutes? Quand il dit jingle, j'ai au putain de jingle. Et du coup, elle est venue à MP3 de Paris parce qu'elle avait plus d'argent. Ouais, et s'est dit, oh, j'adore le petit podcaster. Ils ont des bras. Sexy baby. Et du coup, c'est passé ce qui s'est passé. Et elle est tombée enceinte d'un podcaster. Pour l'instant, elle s'est déterminée par rapport à l'ADN, tu sais, mais c'est compliqué, tu vois. Elle pense qu'elle va l'appeler Jean-Claude. Jean-Luc, président. En hommage au président. Jean-Luc, la France. Bon, par contre, elle est repartie en Uber. Elle s'est fait cagasser par les taxis. Et voilà, bon, tout ça pour dire que le podcast est une grande famille. Ouais. Comme le métal est une grande famille. Et c'est ça, comme grande famille du Nord. On s'encule entre nous. Surtout quand t'es derrière. Ah, 10 minutes sont passées, c'est... on peut continuer. Donc, oh putain, j'ai même pas le drive en plus, j'ai compris. T'as même pas le producteur. Alors, il y a n'imposé de. D'Azertov, voilà. Je sais pas pourquoi chercher le mot sur I Hate Fairy Tale qui sont sortis chez Urbane Indie. Et après, on a un quiz de. Putain, j'avais fait dans l'ordre de d'Asto MMR. Genre Mélenchon. Macron et Rion. François Rion. Rion des Landes. Et Marine Ropen. Voilà, ouais, c'est ça. Donc après, bien évidemment, nous allons commencer par la rubrique que le monde nous invite, bien évidemment. Donc le ça va ou blanc. Ou blanc. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter ! On va goûter ! C'était un peu de moi, c'était pas con. J'ai faim ! J'ai chaud ! J'ai froid ! J'ai soif ! Allez, venez, on va au fil, les gars ! Allez, sur ce, bonne soirée ! C'est pas tout ça, mais c'était bien. Allez, cassez-vous maintenant ! Note pour podcast l'année dernière, les prostituées de Castres, quand même, c'est quelque chose. De l'année dernière ? Bah oui, parce que c'est déjà passé, podcast. Même si on y est. Du coup, c'est l'année dernière. Ah oui, c'est pour l'année prochaine. Parce qu'on voulait dire. Mais ils sont combien dans sa tête là? Beaucoup trop. Il faut une part tous dans sa tête. Je suis sûr qu'il a des éjaculations sur le nez, sur la paroi crânienne. Il faut une part tous dans sa tête. Il y a plus de gens dans la tête de Gandalf que de fois que dit du coup Azertov dans un podcast. Putain, c'est un beau bordel. Alors, okay. Du coup, ça fait beaucoup. Donc, en fait, donc ça se barre en couille complètement. Quoi. Ok, très bien. Non, mais c'est juste pour être au diapason. Ah, bah, de toute façon, les gens regardent et qu'il y a marqué point 3, c'est pas bon. Ils savent que. Mais moi, j'avais commencé par le point 3. T'as fait des toujours les pockets à l'envers. Ah, t'as pris de l'avance. Hein. Ouais. Putain, les gars, deviennent sobres. C'est pas normal. Ça, c'est chiant. Hein. Tu pourrais essayer d'ailleurs de commencer par le point 3 et d'aller reculant. Juste pour voir la progression. Ou alors, tu tires au dé comme ça. Et tu les mets dans l'ordre. Dans un ordre indéterminé. Alors on est au mois de juin. Mais pas du tout. Il te faut un D8 et un D3, c'est bon. Ouais. Par contre, il y a un putain de vent pour un mois de juin. Jamais non, vu. Non, on n'entend pas de vent. Mais il fait chaud, putain, on est tous en short et tout. Là. C'est la fête de la vie. Les putes qui sont là au bord de la piscine. Allez, à vous les prostituées de Castres, oui. Dans ma main, pas ma bite, mais des captures du destin. De quoi ? Ma bite, les captures du destin, pardon. Et je vais le donner à. Oh merde. Alors, moi, c'est une. Tu me suis dit une sale crew. C'est Guillaume Jacquin. On a parlé plusieurs fois Apocalypse Now et. Orange Mécanique. Orange Mécanique. Moi, c'est une. Et Tempête du Désert. Tempête du Désert. Moi, c'est une Sex, Hail and Broken Wall. Oh yeah. C'est une cuvée spéciale. Oh yeah. Et Donist. Ah, du coup, c'est une Pale Ale aussi. Parce que la Tempête du Désert était une Californian Pale Ale. C'était marqué en travers sur le côté, sur la droite de l'étiquette. C'est une bière double Indian Pale Ale. Ah non, depuis le président Jean-Luc Mélenchon, on n'a plus le droit de dire à droite. Hein. Le droit n'est plus. C'est une centre ale. C'est par là. Hein, c'est du coup, c'est à gauche. C'est une river. C'est une Bérou modérée. Il y a les socialistes et les communistes. Ouais, c'est ça. C'est une 8-5 qui est interdit aux femmes. Mais socialiste, ça va bientôt être interdit. Mais autorisé pour les voitures. Bientôt les socialistes. C'était pas protégé. C'était pas en voie de disparition, ça. Peut-être. Les éléphants. Faudra demander. C'est les fameux éléphants. Bah, pour leur demander, il faut déjà en trouver. Putain, elle est pas dans la merde. Ouais, c'est clair. Voilà, Carmo, peut-être qu'il y en a, mais on est pas sûr. C'est le oui, monsieur à Carmo. C'est le pays de Jean Jaurès, quoi. C'est ça. Non, Jean Jaurès, c'est ici, hein. Oh le pauvre. Oui, il est né à Casa. Il est né ici. Attends, alors il doit y avoir encore des socialités ici. Mais du coup, entre les deux, entre Castres et Garmo, il y a Albi. Et du coup, Albi aussi. Il y a une place Jean Jaurès partout ici. Bah oui. Ah oui, mais moi, il y a la maison de Jean Jaurès. Et il va bien ? Bah oui. Oui, tranquille, ouais. Gentil. Tranquille ? Bon, ça va ? Oui, il est pas chiant. Il est pas chiant. Non, ça va. Et ça, si elle se il est tout. Il est tranquille. Il est au KLM. Il est tranquille, en retraite et tout. Et je vais faire semblant de donner à Asto parce qu'il a pas besoin du décapsuleur. Ah ouais ! Non, t'as pas besoin d'une bière qui se décapsule toute seule. C'est comme une bouteille de limonade, je décris. On va faire ça avec les dents. On appuie sur le petit bouton. Oh. Oh putain, fais gaffe, t'as une monarque à sauter. Et tu nous as même pas dit que tu buvais rien dans ça. D'abord, je décalote. Oh, yeah. T'enlèves la capote. Ah, ça veut dire que tu baises la fille et après tu lui dis salut, moi c'est. Salut, moi c'est Asto. Tu fais quel podcast? Parce que bon, c'est. Parodie de Podren, hein. Parce qu'il faut que baiser les gens. Comment tu t'appelles? Donc c'était ouais, bien éjaculé. C'était, puisque du coup je l'ai déjà bu, j'ai déjà fini. Une barbare. T'as déjà fini? Ah merde. Je suis un peu précoce. Au bout de 3 heures, ça part tout seul. On est déjà à 4 quarts d'heure d'épisode, ça suffit. Hein. Une barbare bock, donc une bière forte brune au miel. Ah, un peu de douceur. Sperme. Pourquoi? C'est pas. Je sens que il va te c'est pas produit par le même animal. Ah bon? Je sens non, que mais tu es sûr que ça plairait aux bobos, ça la gentrification. Ouais, on a éjaculé dans du la bière, c'est génial. Ils sont capables de mettre ça, c'est je l'ai servi pas trop trop mal, mais pourtant, ils aiment beaucoup. Tu leur dis que quelqu'un de connu aime ça, c'est bon, c'est parti, ça roule. Ça marche, hein. Allez, ah. Du coup, je vais passer mon décapsuleur virtuel pour le... Du coup, c'est moi. Ah bon? Ouais. Parce que ça, c'est une stout. C'est une bière noire avec une mousse d'os. Donc, jaune. Je vais donc passer mon décapsuleur virtuel pour le donner à Tocheux, puisqu'il n'en a pas besoin non plus. Parce que moi, j'arrive toujours où t'y es. Et je suis bon, au bout de deux épisodes, il commence à se voir. Où t'y es, mon petit? Où t'y es, j'y suis. Allez. On va pas varier, moi, vous savez, depuis le début, j'ai fait dans le classique. On a commencé par une Faro. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait une petite Virgin Namur. Ouais. Donc, on a commencé sur des petits degrés. On est monté à 4-5. Là, bon, allez, c'est bon, on va se finir tranquillou. À la queue de charrue, on va se faire une queue de charrue triple. Et maintenant, vous le savez, c'est 9 degrés. Je sais pas les décrire, mais je sais les boire. Donc, Et dire qu'elle est bonne. Voilà. C'est le principal. Voilà. Donc déjà, quand t'as fait un petit bruit comme ça, ça fait plaisir. Le petit pchit. Le petit pchit. Une belle mousse. Ah, si tu mousses... Oh, on c'est mousse. Parce que j'ai trop remué, c'est pour ça. Ah non, il n'y a plus de désert, ouais. Non, c'est vrai que pour les stacks, il y a une certaine déception. C'était les lignes, ouais. Allez, on va laisser poser ça. Donc forcément, la petite dame qui a un polichinelle dans le tiroir, elle a pas le droit. Faut pas qu'elle y touche. Par contre, la cocho mobile, elle peut en prendre tant qu'elle veut. Par contre, son mari, tous les soirs, il peut rentrer. Allez, bisous, attaché aux ceintures, tout le monde en est parti. Le décapsuleur virtuel. Alors, décapsuleur virtuel, lui, il a pas touché. Mais j'ai pas envie. Ah, Benji, fais-toi. Alors plaisir. Moi, du coup, j'ai une bière. Je pensais que j'avais pris une bière américaine. C'est pas une bière argentine. Mais si, justement. Ah, voilà, parce que c'est ça. Marqué, desde 1840, la cerveza preferida de los argentinos. Et après plus ça va, mieux il parle espagnol. Après avoir parlé. Je te jure, il parle allemand, maintenant il parle espagnol. Quilmes cerveza argentinas. Favorite beer. Vivant le 8-4. Aïe, aïe, aïe, t'as bien sur les os. Donc voilà, c'est une bière argentine. Apparemment, elle est blonde. Hey, pépito. Elle fait 4,9 degrés. Elle est interdite aux plus de 18 ans. C'est la bière préférée des plus de 18 ans. Par contre, tu peux la jeter dans une poubelle, mais t'as pas le droit de la boire quand t'es enceinte. Et y a pas de truc sur les bagnoles. Mais c'est normal, en argentine, t'as pas de voiture. Ouais, c'est par contre, t'as pas le droit d'avoir quand t'as plus de 18 ans. Ouais. Mais non, c'est marqué 18. Mais c'est la bière favorite de Pinot. C'est une Peggy 18, quoi. C'est une Peggy 18. Et alors, je la renifle là. Oh yeah. Tu comprends pourquoi elle est interdite au moins de 10 ans. Tu renifles l'Argentine, bah bravo. Oh yeah. Tiens, je te passe le décapsuleur. Oui, wish. Et je la. Et puis mon wish, il sera content. Putain, quand je commence à chanter carnaval, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ceux qui se frottent les cuisses et ceux qui s'agrandent. Ah ouais, là, ça va finir à chapelle l'histoire. Oh, c'est pas bon. Le retour du. Vous entendez cette Argentine là? Argentine. Tous les bras en l'air. On mange des gros bouts de viande. L'Argentine, tous les bras en l'air. On mange des gros bouts de viande. Ok. Et les poulets. Les poulets de la pampa. Alors, monsieur. Eh bien, moi je finis toujours une bière aromatisée, donc. Attends, on a fait cognac. Ah, c'est ça. Cognac, rhum. Rhum. Le triptyque. Et coca. Et banane. Banane. Banane. Et là, c'est bien aromatisée, banane. T'as fini par une bière à la banane, déçu, quoi. Tu vois. Ah, et c'est pas une rhum. Cognac, rhum, banane, je suis déçu. Moi je pensais que t'aurais pris une bière aromatisée. Ah, je suis sûr que tu me déçois. Ça aurait été Mind Games. C'est ça. Voilà, donc c'est une bière brassée avec des bananes. Voilà, banana bread beer. Tant que c'est pas brassé avec la bite. Non, brassé, c'est autre chose. Brassé avec la bite. 5,2 degrés. Comique. Et ouais, c'est interdit aux madames enceintes aussi. Ouais. Connais tes limites, c'est marqué dessus. Ouais. Ah, donc il faut faire gaffe. En quelle langue? Alors, en anglais, c'est marqué, mais j'ai un accent tellement pourri que je préfère le dire. Ah, tu sais bien, if you know your limits. Encore avec une bouteille transparente. Putain, mais. Du coup, on dirait des bouteilles. Il pourrait être président tellement il joue à la transparence. François Fillon. Bon, ça rentre. C'est le principal. Ça rentre, c'est le principal. Même dans du 12 ans, titre. Et ça rentre et ça touche même pas les bords. On dirait que t'es en train de choper une moche. Ça rentre, c'est le principal. On avait dit pas le physique. Et du coup, je reviens à Gandalf. Et voilà, donc. Pas de Corsin donc, hein, parce que bon. Oh, c'était déjà fait. Ah putain, c'est dommage, on avait une demi-heure devant nous, ça aurait été bon. Donc voilà, bon. Alors, on va faire dans le loco-local. Je sais plus si on en avait fait dans ce podcast déjà. Du loco-local. Du loco-local. Saint-Victor. Du loco-local, on avait fait la brasserie des vignes. Ouais. Saint-Victor. Ah non, Saint-Victor, c'est du Tarn parce qu'elle est de. Elle est de Nage. Oui. Et en passant de loco-local, il y a une brasserie à Albi. Loco-local. C'est pas vrai, il va falloir y aller. Oui. C'est ceux qui font la rêveuse, hein. Ou c'est une autre? S'il y a la rêveuse aussi à Albi. C'est peut-être. Ah ouais. Je te ferai voir les étiquettes tout à l'heure. On est bien à l'heure. Ah mais là on est bien, hein. Moi je confirme. On est bien. Donc voilà, c'est la Saint-Victor, et comme je me suis chié parce que je ne sais pas lire, j'ai pris la blonde au lieu de prendre la blanche, voilà. Mais comme c'est la seule qu'il y avait au frigo, Mais c'est pas que tu sais pas lire, c'est que t'es mieux, c'est tout, dis-moi rien. Non mais il a avant de boire. Il a mis au frais avant de boire. Ouais mais alors là, forcément. Ah si on s'arrête sur les détails, ah, blanche, la berlue. White, c'est pareil. C'est pareil. Mais ils ont toutes le même bonhomme dessus, tout comme stress, moi. Il y a la couleur de fond qui change. Tu veux qu'il mette un blanc sur la bière blanche, un jaune sur la bière blanche. C'est raciste ça, non? Oui. Mais on le garde. On le garde. Et du coup, c'est la lortie. Hein? C'est la lortie. Ah oui, mettent un gueux. Ils mettent un alien. Un lépreux? Un gueux, ouais, c'est un lépreux. Ah, notez qu'il y a une version brésilienne. La stout, il pour l'été. La stout, pour l'été, c'est brésilienne. Gio de la bière. Oui. On dirait que tu nous fais une pub. Il nous fait du Gilberto Gil. Gilberto Gil. Alors je lis, cette bière artisanale est vivante, moins que nous, c'est-à-dire plus que nous déjà. Elle n'est ni filtrée ni pasteurisée, ainsi les vitamines et les oligo-éléments sont préservés. Hashtag Rosana. Hashtag Rosana. La triple fermentation lui permet de produire son propre gaz comme nous en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. On est triple. Après, trois bières, on est triple fermenté. Quoi? Oh, j'ai pas mis. Ah non, mais j'ai rien mis donc. Ah, tu t'as mis un peu pour regarder le fleur d'air. Hé, Miss Evan, la bisouille! Jean et nous! Ouais, Evan, moi ta santé! Des bises, Miss! Et au fond, il y a des levures. Il y a de la levure! Non, je décapsule. Et donc, c'est une blonde qui fait. Qui fait pchit. Qui fait pchit. Je cherchais le. Elle faisait pchit quand tu l'ouvrais. Quand elle ouvre. Non, 4,5. Oh, petit joueur, tu nous habitues à mieux. Ouais. Non, mais je vais prendre du whisky. Moi, j'ai envie de dire une petite bite. Hein. Attends, ouais. Je vais sortir, je vais mettre ça sur la table, tu vas voir qu'à même à l'audio, ça va s'entendre. Oh. Coucou Mimi. Coucou Mimi. Ouais, vas-y, c'est ça. Mais dépêche-toi, t'en as 12 de retard. Hein. Non, je répondais à Raven. Qui dit qu'elle va se servir un verre. Et voilà, j'ai fait une belle mousse et donc on va pouvoir. J'ai fait une belle mousse. Faut que t'arrêtes de sauter sur place. Ça ne va pas. Ouais. Goûter. On va goûter. Allez. Bon, bah. Ou pas. Allez, on retire. Jingle. Dans les yeux, sans croiser. C'est de nous. Goûter. On a un jingle. Là. On va goûter. Oui, mais c'est pas. Il faut se louper, non plus. Trop. Parce que j'étais en train de chercher, c'est qui parle. Trop de monde. Chine. Là-bas. Ah, vous arrivez jamais. Revan, au-dessus de ça part en live. Ah ben ouais, bah t'en as 8 de retard. Allez, santé les poulets. Bon, alors la banane, ça donne quoi? Oh, la banane. T'as la banane? Mmh. Alors, t'aimes les bananes? Ah. J'adore la banane. Ça, c'est de la ketchup. T'aimes ça, la banane? Tu aimes les films sur les gladiateurs? Tiens, ça, c'est de la... ça... Hey, il est banane. Tu aimes les hommes? Ça, c'est de la bière... Ça a bien goût à la banane, en tout cas. Hein. Tu aimes les hommes torse nus? J'annonce bière traîtresse. Hein. Ah, bah, miel, bah moi, la mienne, est pas très bonne. La brune au miel. Ce qui est que le miel, ça... Ah ouais ça j'avais goûté ça, là, j'avais bien aimé. Ça, tu vois, ça a été nul. La mienne est pas très bonne. Ah bon? Elle est normale, un peu amère, on dirait une croc quoi. Moi c'est. C'est pas dégueulasse, mais bon, elle est sucrée de la bière en matin. Mais elle est pas amère parce que. Désolé, mais je suis allé dans votre boîte de vin. 3 export. Ok, on va tabasser un peu. T'as des chances. Moi je vais. On va remettre un petit peu d'ordre, hein, s'il vous plaît, parce que. Oui, moi, sans whisky, j'ai l'impression qu'on s'entend plus là. Moi, sans whisky, je vais avoir du mal à la boire. Sans whisky, alors ça tombe bien. Écoutez, je suis pas venu les mains vides. Non, je déconne. Mais tu déconnes aussi, mais tu déconnes pas. Non, je sais pas, j'ai pas été introduit. C'est quoi ça? Oh là là, écoute, on a dit qu'il s'est passé hier soir. Écoute, c'est un Gandalf. Introduction. C'est un Gandalf qui va t'introduire. C'est un Gandalf qui va présenter. Ah, il va être content. Et là, Gandalf va t'introduire. Une fois qu'il introduit quelque chose. Et bah, on va faire une voix, oh, c'est ça. Et on va faire une petite voix à la canale pour une fois que je ferai une introduction. Et maintenant, l'instant whisky. Ah, c'était ça? C'est ça. Oh putain. Allez, si tu veux, je peux mettre un jingle. Non, c'est bon. Je mets un truc bien. Au pif, genre, je vais tout faire à la main. Oh, là, je suis bien. Ah, oh, oui, je bouge plus. Ah, oui, là, je suis bien. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Ah, bah, on bouge plus, alors. Oh, je bouge plus. Bah, bouge plus. Oh. Ah. Gandalf, ah ouais. Ce jingle n'a fini jamais. Alors, comme on m'a gentiment invité et que je déteste arriver les mains vides, je suis venu avec une bouteille que... Hein? Ta bite et ton couteau. Et mon décap. Ta bite et mon décap. Entre autres. Et je suis venu avec un whisky que j'ai découvert il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Ça doit faire 6-8 mois. Ouais. Ce qui est relativement récent, parce que ça fait pas énormément de temps que je m'intéresse au whisky. C'est une bouteille de Moon Harbor. Moon Harbor, ouais, comme vous voulez. Hein. Vous l'écrivez, vous le lisez comme vous voulez. Moi, je le bois, donc perso, chacun son du truc. Du coup, comment on le prononce, je m'en fous. C'est, voilà, c'est un whisky importé d'Écosse. C'est du whisky qui est traité par le maître distillateur John McDougall. Qui est donc écossais. Voilà. Qui est écossais, il a 50 ans d'expérience dans le métier. Ah oui. Donc il doit avoir au moins 70 ans. Si c'est pas plus. Tu sais pas à quel âge il a commencé. Enfin bon, après c'est l'étiquette, c'est du commercial. Lui... Ce qui est important, c'est que dans l'histoire, moi il me plaît, et c'est tout ce que je demande à une bouteille de whisky, c'est que ce qu'il y a dedans me plaise. Et c'est un whisky donc écossais qui est fini en fût de chêne, en fût de sauterne. Il est fini. Voilà. Donc pour l'instant, Moon Harbor, donc le port de la lune, hein, c'est une production, une production parce que c'est pas une fabrication, oui. Purement bordelaise. Pour l'instant, importe son whisky et dans le futur, à un horizon de 3-5 ans, je crois, prévoit de préparer ses propres bassins, ses maltes, et de faire sa propre mise en bouteille. Soon, cool. Donc voilà. À Bordeaux donc. Au port de la lune, Moon Harbor, je crois que donc le port de la lune, si je dis pas de conneries, c'est Bacalan. C'est honnêtement rapport qualité-prix. Moi qui étais habitué à découvrir les whiskies, à me faire un palais avec tous les Speyside, puisque je prends dans l'ordre. Je suis tombé là-dessus, je l'ai goûté et j'en suis littéralement tombé amoureux. J'ai la robe est très très jolie. Ouais, la bouteille est très jolie, avec l'étiquette en forme de lune. Une bouteille évasée. Franchement, moi j'ai connu pire. Qui c'est qui veut commencer à se faire un palais là-dessus? Il est népalais. Il est népalais. Tant qu'il ne règle pas le casque. Ah oui, moi je dis oui. Tu me l'avais tellement maintenu. Oh, c'est bon, merci. Oh. Toi, si tu me sors un verre à eau pour prendre un whisky, je te jure, tu prends une. Oh. Déjà. Ah, on a goûté le Chita tout à l'heure, c'est. Merci. C'est pas vraiment le même nez, c'est pas vraiment les mêmes assemblages. Rien que le nez déjà. Donc, c'est un blend. Mais pas tant. Hein. Pas t'inquiète pas, moi je mets tout ce que j'ai. Voilà. Je garde rien pour moi. J'ai plus rien à reconnaître. Je tape dans le fond, je suis pas ta mère. Je suis pas ta bière. Ah, c'était ta mère. Ta mère. Meilleure blague du monde. J'ai éclaté de rire quand j'ai réécouté l'épisode. J'avais oublié moi aussi. Le tape dans le fond, je suis pas ta bière. Azertov, il a mis Ouais, merci Revan, faites gaffe si vous si vous faites, j'ai mal à la tête. Ouais. Rien que le nez, déjà, je suis séduit. Putain, je viens ici, je vais me faire pourrir sur des avec des dossiers de Paris, quoi. Ah putain, heureusement que t'as fait le dossier, parce que sur des doigts... Ouais, bon. Allez, santé, et pas des pieds. Voilà. Yarmat. Il est pris des langues. Il me pique la langue celui-là. Ouais. C'est pas le whisky. C'est quoi? Ah, moi j'aime bien. Il est bon. Vas-y, je l'en pas. Lange pas, mon gars! T'as qu'à la mettre dans le coin où il y a des boîtes en carton! Reviens, mon gars! Reviens, gamin! Tu sens bien l'enveloppe! Oh, tu sens bien l'enveloppe du whisky qui a maturé dans un fût de spiritueux. Tu vois, t'as d'abord une première enveloppe qu'il faut casser. Une fois que tu l'as gardée en bouche, que t'as dissous ta première enveloppe, t'as vraiment l'alcool qui te tombe sur la langue, sur les parois. Ça fait un peu le même effet que le Black Mountain, du coup. Oui. Bah, c'est quand vous avez fait votre émission, justement, que le Black Mountain, c'est pareil. Il a exactement le même. Voilà, il a une production locale. Sauf que la brasserie, c'est 2018. Et au début, je pensais que vous parliez de celui-là. Mais d'ailleurs, j'ai toujours pas goûté celui-là. Enfin, que je fasse du rein. Mais alors, donc coup, voilà, maintenant ma bière qui était pas terrible tout à l'heure, avec le whisky, elle est délicieuse. Ouais. Ouais. Au pire, on fera un truc à Bordeaux, genre non, c'est bon, Black Mountain. On essaiera. Donc la bière, on fera un pot de Bordeaux et puis c'est bon. On fera un broadcast. Ce sera pas un broadcast, ce sera un broadcast. Oui, c'est pas con. Pourquoi toujours faire pod quelque chose? Quelque chose cast. Ce pod, c'est pour iPod, on s'en fout. L'important, c'est le cast. C'est le cast. Un castre cast. Pour prendre de la lumière dans les Black Mountain. Ok, je sors. Putain, Revan. La prochaine fois, tu viens ici, Revan. Faut compter côté du micro, ça va être rigolo. Ouais. Côté Nick. Côté Mike. Donc, non, mais ici, en fait, on peut pas prendre la lumière, c'est le côté obscur. Avec les volets fermés. C'est ça. Les volets, c'est fermé depuis ce matin, déjà. Ouais. Ouais. Ouais. Revan, tu vas venir, t'inquiète. Tu comprends ça? Nous, on prend pas la lumière, jamais, parce que la lumière, ça nous donne mal à la tête. Putain, ce podcast, c'est compliqué. Alors, on sort que la nuit. On est des geeks otaku. On attend de la lumière. Avec un intro de la demi-heure. Oh, mais putain, pire que l'apéro du Captain. Attends, on a pas fait les sous-sous dans la poche. Elle a remis un truc à gratter. Mon kill. Alors, on a des tic-tacs pour Gandalf. une bouteille non, ça, de Jack pour Azertov. C'est Gandalf qui fait des bruits bizarres. Et puis, il y avait 2 kilos de chocolat, mais je les ai tous bouffés. Bruit de grattage. Bon, alors... C'est pour toi, hein, le message de Bilou. C'est Benji. Hein. Ah oui. Moi, je dis que Anus et Sodomie. De toute façon, dès qu'il n'y a qu'une seule syllabe, ça peut être que Benji. C'est ça. T'inquiète. Donc on va alors je crois après on commence je crois c'est pas ah c'est comme tu veux ah ouais on va commencer par pas trop, allez tiens c'est parti Salut à tous, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu, voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes, et une fois terminé vous pourrez obtenir ceci: un personnage sortant des flammes tel un survivant. Il y avait un jingle là pour Evan qui est sur le site. Ah bah chercher les baffes. Ah ouais, c'est moi j'ai pas envie des baffes. Donc du coup moi c'était un imposé sur I Hate Fairyland, qui est un comics de Scotty Young. Mais qui est Scotty Young? Qui a fait des covers de Babies chez Marvel. Ouais, très très connu. Spider-Man, X-Men, récemment Star Wars. Ah ouais? Ils ont sorti, oui. Ils ont fait un coffret spécial à 70€ avec la couverture d'une bise de. Mais qui après, où tu pouvais mettre toutes les, tous les autres. C'est pas drôle. Rappelle juste le principe de l'imposé, parce que c'est que le troisième, du coup. C'est ça, donc l'imposé, en fait, un membre du podcast impose aux deux autres, donc qui sont... donc, pour mais rappel, pas des gages dégueulasses, tu vois. Gandalf, Asto et moi-même, ouais. Azertov, qui sont, on va dire, les... Les officiers. Les historiques. Les historiques, les... les permanents. On appelle ça dans les permanents ou dans le... Les intermittents. Dans les grosses têtes, c'est les... Dans les grosses têtes. Dans les grosses têtes, ceux qui sont toujours là. Non, j'écoute pas. Enfin, bref, les. Les fait partie des meubles. Fait partie des meubles. Donc, les titularisés. Les titulaires. Les sociétaires. Ouais, c'est ça. Les sociétaires. Donc, ça, c'est pour la comédie française. Ouais, c'est ça. C'est ça. Franchement, on a, je sais pas si on est au level. On est même pas au trait. On est même pas au trait. Alors. On s'impose en fait un objet. Ah, mais tu t'imposes ce que tu veux, mon gars. Culturel. Donc la dernière fois c'était de la musique et The Musmus. Ouais, c'était The Musmus. On a eu du manga avec... On avait eu Snegurochka de Gandalf. Ouais, et Gandalf. La toute première fois on avait eu Apocalypse sur Carson City. Yeah. Azertov. Ouais, qui était une BD, une BD ouais. Franco-belge avec des codes américaines. Une ça, très de série... série B à base de Steven Seagal et de Chuck Norris et de d'Alien et ah de ouais, Coulpe. Tout en finesse quoi. Ouais, c'est avec des punchlines extrêmement drôles. De la philosophie, mais c'est ça, c'est toutes les cases. En fait, toutes les cases, t'as une punchline, d'accord. Très bien, non, mais ça me va, ça me plaît. Graphiquement spécial, mais en termes de dialogue, c'est délirant. Donc, du coup, là, c'est à Eight Fairyland de Scotty Young, paru chez Urban Comics en France et chez Image en Amérique, aux USA. Et donc, United States of America. C'est ça. On a bien fait de te faire venir. Sure. Du coup, je vais vous dire le synopsis donc, qui est en quatrième de couverture. Gertrude, petite fille de 6 ans au tempérament de feu, se retrouve subitement aspirée par sa moquette de la chambre, prisonnière d'un monde magique exubérant. 27 longues années de captivité et de bains de sang durant lesquelles son seul désir aura été de trouver le moyen de rentrer chez elle. Bienvenue au royaume de la reine Claudia, des hommes champignons, des faunes zombies et des haches géantes sanguillonnantes. Bienvenue à Fairyland. Ça promet. Donc voilà, donc c'est, on va dire, pour faire l'introduction, après on va passer sur ce que vous en avez pensé. C'est tout ce qui est conte de fées. Mais version Destroyed. Destroyed. Version badass. Version badass, parce que Gertrude... Milan, Voilà, c'est ça. Gertrude arrive donc, quand elle a 6 ans. Et le principe de Fairyland, c'est qu'ils peuvent avoir qu'un seul, ce qu'ils appellent un seul invité, donc une personne du monde réel dans leur monde. Ils doivent, l'invité doit trouver la porte pour sortir, une clé pour la porte, pour sortir de ce monde-là et retourner dans le monde réel. Sauf que Gertrude, bah ça fait 27 ans qu'elle cherche cette putain de clé et elle s'y prend comme une grosse naze. Et quand tu dis ça, en plus, c'est pas un pléonasme par rapport à tout ce qui est dit dans la série. C'est une putain de grosse naze. C'est une putain de clé. Alors, juste un truc, moi j'ai la BD dans les mains là et ça me fait penser à une. Alors, c'est complètement hors de propos, mais on s'en fout, c'est l'épisode 3. graphiquement. Je viens de voir passer une petite bombe dans la main de, je suppose que c'est Gertrude. Mmh. Je vois une hache qui me rappelle furieusement une bande dessinée que je connaissais bien. Ou ça me rappelle un barbare avec un garou. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Tu parles de crâne de barbare ou quoi? Ouais. Non. Est-ce que non, il y a rien parce que je retrouve ça dans les traits et franchement c'est, enfin moi ça m'a sauté aux yeux. Oui, c'est vrai qu'il y a ce petit côté. C'est quand même plus barré que Crâne le Barbare encore, tu vois. Ah, après, en termes de scénario, je sais pas, mais graphiquement, je me demandais si c'était celui qui avait fait ça. Non, c'est pas le même, mais c'est vrai que c'est ouais, là, il y a un peu la même idée, tu vois. Voilà, j'ai sorti ma connerie, vous pouvez finir. Non, là, tu vois, c'est un peu plus pipi cracra, et Crâne, il y avait du cul. C'est du même, dans Crâne le Barbare, il y avait le cul quand même. Ouais, alors, ah, Crâne, ouais, c'était bien. Ça reste quand même au niveau graphisme très enfantin. Cartoon. Ouais, très cartoon plutôt. Le trait en fait de Scotty Young, c'est ça en fait. Ouais. Quand tu prends les Groot et Rocket Raccoon qu'il a fait, c'est un truc super, super léger, super cartoon, enfantin, mais le propos, c'est très, très adulte en fait. Ouais. Il y a un moment, par exemple, dans, dans ce tome-là. Ah mais toi t'es arrivé trop tard Raven, t'aurais dû nous écouter quand on était sur Attache-moi. Et là, on voit par exemple, Gertrude ne vieillit pas. Elle est toujours sa forme d'enfant de 6 ans. Sauf que du coup, ça fait 27 ans. Et est-ce que ça a un rapport avec Kikas? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un monde complètement différent. C'est un rapport avec Askik, par contre. Et à un moment, dans la BD, en fait, elle fait le vœu par je sais plus quoi de redevenir normale. Mmh. Comme si qu'elle avait, bah, ça faisait 27 ans qu'elle était là. Sauf que elle devient immonde. Parce que ça fait 27 ans qu'elle est bourrée au sucre, à boire de l'alcool, à faire je sais pas quel truc de vice. Et elle est carrément immonde. C'est le retour de Gérard Lambert. Avec des pustules, elle a tellement bouffé de sucre que... Mais en même temps, il y a des fois des images qui font penser au truc des super nanas, quoi. C'est ça, oui, après, oui, sur les super nanas, oui. Elle est devenue, elle est ultra diabétique. Ah, moi, je suis vraiment resté sur Cran le barbare, quoi. Ouais. J'avais pas pensé au début. Ouais, c'est un funky mélange, quoi. S'appelle Cran à un moment. On est entre le barbare, les super nanas. Il y a un moment, il y a un gros barbare, les couleurs. Une espèce d'orc avec une hache qui s'appelle Cran à un moment. Dans les premières pages, en fait, elle bute carrément la lune. Ah, ouais, carrément, et en fait, à chaque début de chapitre, elle bute un compteur, donc qui est censé raconter l'histoire. Ça, c'est vraiment le running gag qui m'a tenu dans le truc. Ah oui, c'est de se dire, ah, puis, c'est bon, c'est la prochaine victime. À chaque début de chapitre, t'as un nouveau personnage qui a totalement inconnu et tout, qui te dit, bon, je fais partie de la guilde des conteurs. C'est l'histoire de Gertrude. C'est à moi de raconter l'histoire, tant pis, c'est mon tour, mais bon, j'y peux rien. Je vais vous raconter l'histoire. En bas de la page, il est déjà mort. C'est ça. Il finit pas la première page du chapitre, le personnage. En général, au bout de la troisième case, déjà, il est mal en point. C'est ce qu'on appelle une vie courte mais intense. Voilà. Et à chaque début de chapitre, tous les débuts de chapitre, il y en a 4 ou 5. Et à chaque fois, t'as un nouveau personnage qui meurt avant la fin de la première page. Mon canapé. Que je retrouve. Il y a plusieurs tomes. Que je retrouve. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti en France. Ouais. Mais l'histoire en VO n'est pas terminée, ça sort encore. Il poste. Donc Scotty Young poste souvent des images justement de ce qu'il fait sur Instagram. Et on voit l'avancée des cases, des fois, tu vois juste le crayon et l'encre. Toi, tu penses qu'il va y avoir combien de tomes à peu près? 78. Je sais pas, franchement. Même si normalement la vraie réponse c'est pénible, est 42. Ça. 42. Mais bon. Plus ou moins, oui et non. Enfin, non, pas une vache. Quand t'as 60 tomes ou plus, c'est chiant. Mais quand ils sont déjà sortis, ça va. C'est ça, oui. Quand tu peux les lire tout d'une traite, là. Oui, monsieur David, on est encore en live. On est en live depuis 11h. C'est David. Et si tu savais ce qu'on est bien, mon gars. C'est David Banner. C'est pas la quatrième dimension, mais on en est pas loin. Ouais. C'est le Twilight Zone. On a eu tout à l'heure, mais. Les envahisseurs. Le Twilight Zone. David les a écoutés en live. Ouais, quand je vous disais tout à l'heure, à un moment, elle fait un vœu pour dire je vais revenir comme à l'âge normal, elle devient comme ça. Donc c'est mais c'est moche, hein. Oui. Bah oui. Et parce que depuis qu'elle a fait rien, elle bouffe. Même Gandalf, tu n'en voudras pas. Elle bouffe que du sucre. Ah non, j'ai des liens. Elle limite tellement de trucs sucrés tout le temps qu'elle est complètement diabétique en fait. Elle a des puces dans les sens. Non, et nous pendant ce temps-là, on boit des bières. C'est du sucre, les bières. En résistant à la pression, on boit des bières. Mais non, c'est du sucre, les bières. Il veut c'est entendre, du sac à dos l'histoire de Gertrude. Ouais. Non, mais on s'en fout de Gertrude. Et donc, du coup, voilà, là, c'est vraiment, on va c'est dire, ton David. C'est tonton David, ouais. Ouais. C'est 5 premiers. C'était quoi, tonton David? Chacun son chemin. Chacun son chemin. Oh yeah. Oh yeah. Un indien dans la ville. Ah oui, c'était. Donc, du coup, là, c'est les 4 ou 5 premiers chapitres de l'histoire. Donc, c'est, on va dire, plutôt l'introduction. C'est long, putain. Avec un cliffhanger. Avec un bon cliffhanger à la fin. Un bon cliffhanger. Non, un cliffhanger pas vraiment, mais. Quoi, il y a un retournement de situation. Putain, ah oui, c'est pas un cliffhanger, c'est un twist. Ah, du coup. Mais moi, ça m'énerve. Il nous a fait une double. Je sais pas combien va y avoir de tomes. J'aime bien quand je commence à lire une BD, savoir que c'est fini. Là, c'est des tomes américains. Enfin, c'est une histoire américaine publiée en France. Donc eux d'habitude c'est par chapitre, donc c'est une vingtaine de pages qui sont publiées au rythme de... Ouais, c'est ça, c'est un comics. C'est ça, oui. Point barre. Voilà, donc là en fait c'est juste... C'est la version reliée. Hein. Donc okay, c'est par 5, et à un moment ça va se terminer et... Et aux États-Unis ils en ont combien d'avance par rapport à la version française? Bonne question, je vais trouver ça. Désolé. Bah alors, j'ai posé une question qui fait un peu chier, hein, mais désolé, ça m'intéresse. En attendant, on va dire un peu ce qu'on a pensé. Ah bah oui, tiens, par exemple. Puisque nous, on l'a lu. Certaines l'ont lu. Some says. Toi l'as lu. Some say. Moi et Gandalf ont lu. Toi l'as lu et toi l'as lu. Et G80 l'a lu. Faut dire que G80 le bouquin, c'est rare. David, on a arrêté de compter les du coup. Mais du honnêtement, coup, on est un peu chier. Je pense qu'on a passé le quintal, mais large. Large, très très large. Ah, visiblement, parce que des gens veulent sortir le saucisson et le fromage. On est George approved. Approved. Saucisson, qu'est-ce qu'on a? Saucisson au piment d'Espelette. On en a pas recoupé, mais il y en a encore plein de saucissons. Bah, voilà. J'ai ramené un stock. Bon, déjà. Non, tu peux ranger, s'il te plaît, quand même. Le dernier qui est en tout cas sur le site de Image Comics. C'est prévu pour le 21 juin 2017 et c'est le 13e issue. Bah c'est pour bientôt alors. C'est le 13e chapitre, mais c'est ce qui est prévu, donc je pense qu'il peut y en avoir encore... Ça veut dire que d'ici juin, ils peuvent sortir en tome 2 tranquillou. C'est ça, en tout cas sur le site il y a toujours ils appellent ça les collected editions. Ouais. Je pense que c'est les reliés, clairement, et il y a deux tomes. Saucisson de rosette. Donc il y a au moins 10 chapitres. Donc là, il y a 13 chapitres, au moins jusqu'à juin prévu. Chapitres. D'accord. Après, c'est vrai que moi, en lisant le truc, je me disais, tiens, je me disais, tiens, c'est peut-être du one-shot parce qu'on ne sait pas trop comment ça va finir. C'est vrai qu'il y a le twist de fin. Tu dis, ah bah non, en fait, ah bah non. C'est pas terminé. Oui, parce que... Il va y avoir d'autres choses. Il est vraiment dans la après, fin de la fin. Est-ce qu'il va arriver à trouver un twist tous les 5 chapitres ou est-ce qu'il va vraiment tirer en longueur sur le twist qu'il a là et, oui, il va broder. Et broder, mais bon, ça va être lassant, je pense. Oui. Parce que, voilà, moi de ce que j'en ai... Moi, j'ai bien aimé. C'est pareil. Ouais. J'ai pas accroché à 100%. Parce que c'est une bonne lecture en fait. Ouais, c'était sympa. C'était sympa comme lecture. Le running gag m'a beaucoup fait rire à chaque début de chapitre. On garde les deux. J'ai été perturbé un peu par certaines traductions que j'ai montrées à ce matin, notamment au tout début quand un bute la lune et qu'un tire sur les étoiles. Elle dit brille, brille, petite étoile. Qui est une référence à la chanson, à la comptine en anglais Twinkle Twinkle Little Stars, mais qui n'est pas du tout la traduction, enfin Brille Brille Petite Étoile, c'est pas du tout la traduction française. Ouais, parce que Twinkle c'est les fait briller, mais. Ouais, enfin la comptine en anglaise c'est Twinkle Twinkle Little Stars, mais en français c'est À vous dirai-je maman. Enfin tu vois, c'est cette comptine là. Twinkle Twinkle. Voilà. J'ai rien invité. Le Saucipod, oh putain oui. Le Saucipod. C'est énorme ça. Le Saucipod. Les paroles françaises n'ont rien à voir avec. Je vous dis que les bonbons. Je vais me saucider en direct. Que en français, il n'y a aucun rapport avec les étoiles. Il n'y a aucun rapport avec les étoiles dans ce continent français. Et du coup, j'ai compris la référence parce que je connais la version anglaise, mais je me suis dit, ouais, mais il y a une erreur de traduction là. Là, il y a. Ouais, c'est compliqué à traduire. Là, il y a faute. Là, à mon avis, c'est justement là où c'est compliqué à traduire. Mais c'est là où je me suis dit, en VO, ça doit être bien. Ouais. Mais la VF empêche. Sur ce point-là. Après, j'ai pas trouvé d'autres trucs qui m'ont perturbé sur la suite. Mais ce truc-là, qui est un tout début de temps en plus, ça m'a perturbé pour la ça suite. Dénonce, de ça dénonce. Dans le chat, ça dénonce. Ouais, ça balance dans le chat. Parce que moi, je dis que les bonbons. Valent moins que la raison. Mange du saucisson ça, avec ça t'a vraiment fait chier pendant toute la BD quoi. C'est ça. Et tu sais que manges du saucisson avec Raymond sorti du contexte, ça fait louche quand même. Je comprends, sans déconner. Vous avez dit qu'il y aurait du sexe. Un tome qui est très court, en 5 chapitres. On va revenir à Tu m'attaches. Je l'ai lu en 2 fois parce qu'une fois j'ai pas réussi. Il y a un moment j'ai dit bon, c'est bon, j'en ai marre, je relirai, je continuerai demain parce que là j'ai décroché. C'est pas bon ça pour une BD. Ça dépend après, je pense, le style de la BD et ça doit venir aussi de l'état dans lequel tu es quand tu lis la BD. Je pense que ça doit être lié. Et alors toi, tu préconises quel état pour lire la BD? Un truc où t'es fatigué, où t'as un peu la pêche? Ça va dépendre vraiment de la personne en fait. ça qui est compliqué. Il y a des moments, pareil, sur les séries ou les BD, des fois je suis crevé. Et justement, je fais, non, je vais pas le lire parce que je vais pas être à fond dedans. Hein? Et je lis un truc et je rentre vraiment dedans. Alors que des fois, je vais être pareil, dans, à peu près dans le même état, et je vais pas du tout rentrer ouais. dans le. C'est le gag de la page 23 est énorme. Il va faire dessus. Parce que ça c'est super visuel quand même. Non mais faut lire. En fait, tu as besoin qu'il discute pendant toute la page. Ça fait blablabla. Il fait bon, désolé Larry, je supporte bien les bavardages, mais ça fait 5 km qu'elle ne fait que répéter bla en boucle. Je vous quitte. C'est débile. Bon, du coup, non, ce qu'on n'a pas expliqué, ouais. c'est que Gertrude est accompagnée d'un petit. De Larry, une espèce de mouche en fait. Ouais, c'est une sorte de mouche. Ça fait qu'il accompagne justement vers sa quête de la classe. Ouais, c'est son Jimmy Lee Cricket. Ce qui me fait penser au garou de Cran le. Mais c'est une mouche qui est. Merde là qui grossit. Un petit peu blasé parce qu'il a toujours un cigare à la bouche. C'est ça. Il a un flingue, je crois, je sais pas. Oui, à un moment il a un flingue. C'est. Il en a rien à foutre quoi, que ce soit de Fairyland ou de Gertrude. Gertrude, c'est dans. Quand on voit les dessins, on a du mal à savoir si c'est humoristique ou si c'est effrayant quoi. Si c'est scary quoi. Si c'est scary. Donc, à quel genre de musique est-ce que c'est plutôt rock ou funky? C'est plutôt rock et drôle quand même. Ouais. C'est ça, ouais. C'est un peu dark quand même. Bah, c'est, en tout cas, c'est rock'n'roll. C'est Pepsi, mais le texte est rock'n'roll, mais les dessins sont funky. Mais le scénar, l'histoire, elle est. Le dessin, c'est pas. C'est d'accord. C'est pas Mickey. Ah, mais donc, elle vit une chèque taille des borgnes. Elle voit David comme une seule dimension, c'est ça. Je connais pas du tout l'univers du comics ni ce qu'il a fait avant. Par contre, je connais le nom de Scotty Young parce que je l'ai entendu par Azertov ou par. Mais bon, graphiquement, c'est. Franchement, c'est. Franchement, c'est super beau. C'est super bien. Le dragon, il est juste magnifique. Oui, après, au niveau. Il a fait magnifique aussi, super bien. Dessin et graphisme. C'est. Je trouve que c'est pas mal quand même. T'as un gros niveau. Ah oui. Et quand tu regardes sur Instagram, il tape justement où il fait le crayonné et l'encre et les couleurs, c'est pas. Il fait c'est des ça, trucs. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très vif, ça fait penser au Super Nana et en même temps à Tim Burton. Mm. C'est quand même pas mal quoi. Il y a des côtés qui font penser à Pink Floyd. Tu vois du Tim Burton là-dedans toi? Bah après c'est peut-être aussi dans les thématiques que tu peux retrouver le Pink Floyd. Je réclame le conducteur de ce live, je veux savoir. Oh putain. Non, tu ne sauras rien. Il s'appelle Jean-Claude. Et il est parti surtout. C'est président Jean-Luc ne veut pas. Déjà c'est quoi un conducteur? T'as fait un copier-coller. Bah oui, il veut le conducteur. Je donne qu'est-ce que c'est qu'un conducteur? Déjà. Alors, hein, franchement, parce que si c'est moi qui conduis, mon gars, on n'est pas arrivé. Hein. Ah, c'est bien, mais pareil, parce que je verrai le titre de la musique parce que je me rappelle plus. C'est pas Elton Gay? C'est pas Sopsué par. Sopsué. Et toi là, mais écoute, tu. Ça vaut quand même pas le coup de. Du fanfare, du mec de la fanfare égyptienne qui nous joue à Marseillaise quoi. Ah oui, oh putain, oh magnifique. Celui-là, je l'ai entendu une fois, il m'a retourné la tête à vie. Alors, heureux. Merci CVT. Ah mais il manque, ah ouais, bah, ça y est. Bravo. J'ai fait 15 pages pour un mec de 40 minutes. C'est magique. Nous on a une page pour. Pour 4h30. 4h30, c'est gentil, parce qu'on en a fait presque 2 fois 2 heures déjà. Et là, on est à 52 minutes. Ouais. Mais l'important, c'est ce qu'il y a entre les mots qu'on dit, quoi. C'est comme la poésie. Ça, c'est le conducteur global, parce qu'après, on a chacun notre propre conducteur pour nos dossiers et nos quiz. Non, ça, c'est mon conducteur. Ça dépend. Content avec Cobal, j'essaye d'avoir. Moi, j'ai mon conducteur d'invité. Que vous tous réunis. Non, mon conducteur Cobal, si je peux dire ce que je veux quand je veux, quoi. Bah non, c'est réconducteur de. C'est vrai, tu vois. De ouf. Il y a un jour, il va falloir que je joue avec Cobal quand même. Ah, mais depuis le temps que j'en entends parler, j'aimerais savoir si c'est une légende urbaine. Non, mais je pense qu'il va me plier, mais bon. Pas grave. Ah ouais, Il joue à quoi? On va jouer, tu vas voir, on va jouer. Et toi, à quoi tu joues? Non, David, celle-là, c'était que la nuit dernière. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé toi, Gandalf, de Ed Fairyland? Ouais, c'est un peu. Ça s'essoufflait un peu, mais c'est vrai que le twist de Feng est super bien mené. Quoi. Parce qu'on le voit vraiment pas arriver, parce qu'on est, il est vraiment au bout du bout, tu vois. C'est ça. C'est vraiment. C'est vraiment la dernière page. C'est vraiment la dernière page, tu vois. Je suis pas sûr que. Et c'est tout à l'avenant, tu vois, ça qui est bien. C'est, les gars, ils durent pas pendant 30 pages, tu vois. Il y a quelques gags récurrents, mais sinon, c'est souvent des gags. Je suis pas sûr que Easy Bien Aimé, Bien Aimé, quoi. Si, non, mais je trouve ça déjà super. Vous avez bien aimé ou pas? Super bien dessiné, oui, déjà. Oui, bah, globalement, j'ai bien aimé. Ouais. Parce que moi, j'étais pas sûr. Moi, franchement, j'attends la suite. Moi, c'est pareil, j'attends la suite pour voir. Ah, t'es comme Gandalf, ouais. Ouais, c'est ça. Il attend toujours la suite. Il attend toujours la suite. Dès que je drague une fille, après, j'attends toujours la suite. J'attends toujours la suite. La suite au prochain épisode. La bonne grosse. Ça fait combien de temps que ça dure? 8 ans, 9 ans? Non, ça arrête au pilote. C'est compliqué chez toi. Ah non, ça arrête copilote. C'est un copilote, ah oui, d'accord. Ça arrête copilote parce que sinon. Oula! C'est un trait d'actualité. Non, parce en tout cas, j'ai bien encore 3-4 messages. Ah oui, j'ai un truc. Moi, je m'en fous de Raven. Tu t'en fous de Raven? Malheureux, mais. C'est ce qu'elle a dit. Ouais, mais on peut pas. Non, mais non, on peut pas. Ou pas? Ou pas? Il vient d'arriver, moi. Ou pas, c'est lui. Le masque. Bonjour, je suis le radis magique. Ouais, c'est vrai, et remarque, David, t'as la tête du radis. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en train de me pourrir. Mais. À Podren, boum! Ah, je vais arriver à Podren, je vais me faire démonter. Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? Tom de Habard. Tom de Habard. Il est marqué. Non, mais c'est une connerie. Hein. Mais en fait, le mec qui a fait la BD, Scotty Young, Oui. Il a fait un truc qui s'appelle Le Magicien d'Oz. Oui. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est une adaptation qui adapte du Magicien d'Oz. Et pas le Magicien d'Oz. D'accord, c'est ça. Oui. Ok. Merci. Oh non, c'est naze. Il est connu. C'est naze. France, il non, mais ce qui est bien, c'est que ça passe après avec des filtres. Ouais, c'est le magicien. Non, mais je l'écoute pas en fait. C'est même. Non, non, mais vas-y. Je les entends. Mais continue. Mais quand je fais le montage. Ouais, mais comment ça? Et après, je fais putain, le con, il a dit ça. Donc, il est surtout connu pour avoir fait le magicien d'Oz. En fait, on peut dire n'importe quoi. Zertov, il écoute. Sortez-le vite. Pour avoir fait des couvertures variantes en. Babies en fait. C'est pas mal. Hein. La couverture en fait ça représente une fillette qui a les cheveux verts, des dents cassées et sur son épaule elle a un gros nœud dans les cheveux. Et sur son épaule il y a une hache avec dedans du sang, une espèce de vorpal à deux mains quoi. J'aimerais pas avoir un gros nœud. Et elle est à cloche-pied sur un champignon hallucinogène. Ouais, par contre elle a pas de beaux yeux. Elle a une bombe dans les mains. C'est une gamine de, ouais, c'est quand même pas mal. De 7 ans. Ouais, ouais. Non, ouais, elle est une gamine de 8 ans. 6 ans. Elle a pas les yeux très développés. 7 ans, 8 ans, mettez-vous d'accord. 6 ans. Une gamine quoi. Ah, 6 ans, c'est encore mieux. Elle paraît prépubère quoi. Elle paraît 6 ans, mais elle a passé 27 ans dans le monde de Fairyland. C'est un peu comme ça. Franchement, quand tu vois ce qu'elle devient au bout de 27 ans, tu te dis arrêtez le sucre. Arrêtez le sucre. Ah ouais, franchement. Américain, arrêtez le sucre. Vaut mieux prendre de l'alcool. Il y a un moment. Du grain. Elle mange vraiment. Le gras, c'est la vie. Un champignon. Le gras et le sucre. Enfin, un habitant qui a un champignon et voit des trucs, mais vraiment. Chelou. Psychédélique. Elle se drogue. Quoi. C'est un champignon un peu hallucinogène. Elle se drogue. Ah, oui, en même temps, il a l'air sympa le champignon elle en dessous. Elle se drogue. Mais graphiquement, moi je maintiens, c'est franchement, c'est un truc qui est. Qui ouais, à mon avis, c'est un peu un truc des drogués. C'est très cool. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Autant, c'est un truc de drogué. Tu vois, je suis capable de lire des trucs comme ça avec Cran le barbare. C'est à mon avis, et un je truc suis capable de passer sur Attila, le fléau des dieux, qui était une série, enfin, je sais pas, ça faisait quoi, 4 ou 5 volumes. C'était pas énorme, mais graphiquement, c'est. Ça donne un petit charme, c'est certain. Enfin, un homme qui aime les femmes avec les cheveux courts, moi je dis oui. Je dis oui, je dis trop fort. Non, mais il parle de moi. C'est drôle. Mais non, mais c'est certain, mon Dieu. Les femmes avec les cheveux courts. Truc de geek qui se drogue. ce podcast, c'est le Philips. Mais c'est très bien comme ça. Oui. Ah, bah c'est le sérieux. Moi, tu me l'aurais annoncé à l'avance, je serais pas venu. Moi, je préfère venir dire voilà, allez, on met tout sur la table. On a qu'à tous. On discute, on est en train de gigouiller notre irréputation en même temps. T'arrives chez nous. T'arrives chez nous au point 3, tu dis putain, c'est quoi ces cons? T'arrives chez nous au point 1, tu picoles, t'arrives au point 3, et là, t'es là, ok. Là, t'es pas surpris. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait accompagner les auditeurs. Leur dire voilà, allez, on va faire une pause, on va chercher une bière. Voilà. Reviens le mois prochain. Fais tomber la pression, on va pisser un coup, on sait, t'as bien un peu de bière. Mais nous, on les enchaîne, on pense à toi. Allez, vas-y, continue, mon gamin, t'inquiète pas. Ça va rentrer, c'est le cœur du métier. Voilà, faut être dur dans la mêlée, rentre la tête sur les épaules. Tu vas voir, ça va finir par payer. Et à la fin, t'arrives comme nous, tu fais des podcasts où t'es à 3,5 grammes et tu es très très bien. Oui, sur une... Celui mais... qui a peur est un peureux. Mais on se fait un palais. M'énerve avec ta position. Ah, parce que mine de rien. Mais elle est démonte quoi. Il y a 3 ans enregistrement, le whisky, j'étais un peu réticent. Là, le whisky. Eh, t'as vu, bah, ça passe bien. Il passe. Direct dans j'en la j'en ai plus déjà. Il est très très bon. Allez. Et il dit qu'il en a plus le monsieur là-bas. Moi déjà j'en ai plus. Moi je suis généreux, hein, je suis venu pour ça. Pour ça. Moi je mets tout, je garde rien. Je suis en train de me rendre compte, je suis en train de pourrir le peu de sérieux que j'essaye de garder. Moi le problème c'est que The Shitter, faut que je retourne au Japon pour le chercher. Je veux pas, mais t'en restes un peu. Écoute, j'ai dit à tous mes collègues que j'y allais l'année prochaine, si tu veux bien m'accompagner. Ouais, par contre, tu vois, hey, frappe qu'un coup, t'en veux ou pas? Non, ça va. Frappe qu'un coup. Quoi, ça frappe qu'un coup? Voilà. Tu me prends pour une éjaculation précoce ou quoi? Voilà. Non, mais bon, c'est parce que c'est la vérité que je m'énerve, hein. Non, mais frappe qu'un coup, c'est un truc de boxeur. Ah, ouf. Ah, c'est un truc de précoce. Merci. Et donc, j'ai donné mon avis. Les boxeurs, c'est tous des précoces. Alors, ouais, ah oui, les boxeurs, c'est tous des précoces. Moi, j'ai bien aimé aussi. Parle pas de boxeurs précoces. C'est l'histoire que les dessins. Ouais, les dessins, les boxeurs, ils éjaculent précocement. Ouais, en général, le type qui est passionné par la boxe, il éjacule précocement. C'est le gamme. Oui, c'est ça. Donc, j'étais pas surpris. Je les avais c'est peut-être parce qu'il est précoce éjaculateur qu'il s'intéresse à la boxe. On sait pas. Oh, là-bas, là, oh. Hein. Donc du coup, je les avais lus en VO. Cassé. Tu dis du coup, au moment où il y a le message de David qui dit pour relancer le live, nous je veux un défi du coup. Qu'apportera qu'apportera Zéastral pour le prochain point de règle. J'apporterai pas, j'ai 80. Après les gâteaux périmés à la noix, le suspense c'est de réalisme. Mais c'est pas moi qui veux pas, je suis malade. Mais on est reparti sur un monologue d'Azertov avec des dix. Non, je vais en voiture, je peux pas. Donc, du coup, ils emmerdent. Je savais à quoi m'attendre, j'avais déjà lu en Scalfrad, chaque chapitre indépendamment. Et là, du coup, les relire d'une seule traite, d'un coup, ça t'immerge un peu plus dans l'histoire. Entre Limoges et Rennes, et c'est bon. Tu peux enchaîner, j'ai pas trouvé de moments de creux. Chaque chapitre, enfin, personnellement, moi j'étais plongé dedans à chaque fois. T'as un twist. Je vais y arriver. Un tweet, à Saint-Tropez. Ça se barre dans tous les sens, mais c'est hallucinant. Toi, par exemple, je suis ma bière. Donc tu vois que Gertrude doit affronter un gros barbare, gros guerrier et tout. Et début du chapitre 2 en fait, donc t'as la page narration avec le narrateur qui se fait éventuellement du coup buter le coup classique. Et tu vois la tête du barbare. Alors que le barbare était quand même présenté comme un gros mec bien... Un gros bill. Tu vois qu'elle est, elle est au bar. Un bon grudu. Elle est à la taverne en train de se bourrer la gueule encore plus que nous. Avec la tête du barbare décapité. C'est possible d'elle. Ça Encore plus que nous, c'est possible. Oui. Bah oui, pour les barbares. Mais moi je suis un barbare. Même ça, le fait d'avoir. Pourtant, je vois de la barbare. Moi, non. Une ellipse temporelle dans l'histoire où on voit pas le combat. Moi je suis pas un barbare. Au niveau de l'histoire, ça gêne pas en fait. Ouais, tu comprends directement que bah en fait elle est hyper badass. Badass. C'est qu'elle va fumer quasiment tout le monde dans les histoires. T'as pas trop de problèmes à te faire pour elle en fait. Même si après au niveau de l'histoire tu vas voir que je peut-être que oui. Kick-Ass tout à l'heure. À cause de la petite meuf de Kick-Ass là. Ah, Hit Girl. Ouais, qui est une gamine, mais en même temps t'as l'impression qu'elle est plus âgée. Tu en gros t'as aimé. Ouais. Voilà. Enfin. Et franchement, moi j'ai le sens du résumé. C'est bien rythmé, c'est bien découpé. C'est ça. Puis je te dis, visuellement, ça, c'est sympa. Bien dessiné. Ça passe bien, tout. Enfin, moi, je l'ai pas lu. Honnêtement. Oui, c'est vraiment en feuilletant que tu te dis ça. Ah oui, Il n'y a que la traduction. Mais bon, par contre, ça vaut pas attache-moi. Mais par contre, il faudrait lui envoyer le lien du podcast à Scotty Young. Il serait peut-être content, quoi. Je pense que franchement, je suis sûr que là déjà, il doit être en train de se faire. Non, à mon avis, il s'en fout pas. Non, mais ça serait, toi, un podcast qui parle souvent de BD et dont c'est la thématique, ça aurait peut-être plus. Non, mais nous, ils s'en foutent pas. Nous, ils s'en foutent pas parce qu'on est un vrai podcast amateur, quoi. Indépendant. Voilà, voilà, un vrai. En fait, nous, Bolloré. Il aime les geeks. Nous, Bolloré, on l'encule. Il aime pas les mecs qui font de la presse, de BD et tout. Il aime les vrais geeks. Bolloré, on l'encule, mais s'il veut nous racheter pour 3 milliards. Non, moi, Benjir 000, j'encule pas Bolloré. Je le dis en regardant le micro dans les yeux. J'encule pas. On dit pas oui tout de suite pour 3 milliards. Moi, oui, pour 3 milliards, je dis oui. Oui. Dégoûtez, vous. Tu dégoûtes 3 milliards. Mais 3 milliards, réfléchis. On peut racheter VNB. 3 milliards, petit-fils, à qui tu n'aimes pas les 3 milliards. Bah lui. Oui. Mélenchon, s'il te plaît, viens à mon secours. C'est la lutte finale. Non, mais avant. Oui, mais qu'en as-tu pensé en le feuilletant? En lisant la première page. J'ai lu les deux premières pages. Et est-ce que tu as envie de lire la troisième? Ouais. D'ici demain matin, j'essaierai de lire la troisième page. Oh, bien. Et du coup, ça c'est un projet du coup, ambitieux. Un projet sur l'avenir. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il devrait ouvrir comme contemporain? Qu'est-ce qui donne la suite? C'est l'histoire, le dessin, le. C'est le côté What the Fuck, je pense. Putain, j'ai pas fini. Le côté débile, tu lis ça sans réfléchir. C'est le fait qu'il ait lu que la première page, lui a marqué au secours. Ah ouais. Le tapis m'avale. Au secours, à l'aide. Ça parle d'avaler des trucs déjà, tu vois. Ça me rappelle des choses, mais lointaines. Tu m'étonnes. Ah, vous d'acteur. Donc du coup, c'est bon pour c'est vous. Un oui. C'est un grand oui. Ah, c'est un oui franc et massif. Oui, c'est un oui. Moi, je l'ai pas lu, mais visuellement, oui. Et moi, ça me donne envie. C'est globalement pas un mettez l'invisible, s'il te plaît. Donc c'est définitif, je dors dans la chambre. Moi, ça me donne envie de le lire. Cette bande dessinée me donne envie de la lire. C'est un le oui. Dessin, la présentation que vous avez fait. Si vous êtes très familier avec l'anglais, essayez de choper la version VO. Après, ouais, c'est toujours mieux en VO. Ouais. Toujours. Que ce soit les films. Les films. Toi, tu lis les BD en anglais? Non. Mais les films. Non, lui, il lit que le japonais. Tu sais, les Sugoi et. Ouais, c'est ça. Sugoi, Oishi. Comment on dit attachement? Attachement, je sais pas. Mais le titre en VO, c'est Nana Tokaoru, ce qui veut dire Nana et Kao. C'est juste le nom des personnages. Yamete Kudasai. Yamete Kudasai. Arrêtez, s'il vous plaît. Et en anglais, c'est Catch Me, quoi. Catch Me if you can. Catch Me? Catch Me. Ah, déjà, tu vois, là, on fait. Tiens, d'ailleurs, on parle. Ouais, c'est explicite. Parce que j'ai vu sur Pornhub et ils ressortaient les Alpha France, donc. Voilà. Katsuni, c'est qui ça, Katsuni? Katsuni à Monday. Ah, ok, ça passe. Là, tu vas me demander qui c'est Brigitte Lahaie. Katsuni, c'est fait des scénarios de Cécile. BD. Ouais, je sais. C'est Cécile. Non, c'est 619. Cécile, c'est Ankama. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. C'est avec Katsuni. Ankama. Céline Tran. Céline Tran. Et pas Céline Tran. Donc du coup, c'était l'imposé à Ed Fairyland, elle est pas Scott Young, chez Urban Comics dans la collection Indies, parce que c'est paru en VO chez Image Comics. Et ça coûte 10€ pour l'instant. En prix de lancement. En prix de lancement jusqu'au 30/06/2017, en prix de lancement. Donc ça sera bon, c'est-à-dire que les gens pourront courir vite. C'est ça, et comme je n'ai pas l'ISBN, bah, vous n'aurez pas l'ISBN. Démerdez. Voilà. Tu le mettras dans l'article au pire. Ouais, c'est ça. Ça doit être à l'intérieur. Merci, Azertop. Et du coup, c'est tout pour moi. Non, je pense qu'il va falloir arrêter d'applaudir parce que. Non, moi j'aime bien. Ça m'a donné envie. Ah bah, tant que ça te les donne envie. C'est définitif, je dors à côté. C'est bien parce qu'on leur montre n'importe quoi en lecture et ils aiment bien. Est content. C'est comme nous. Ah, mais moi j'aime bien. Moi je suis content. Moi, honnêtement. Et quand je suis content, tu peux aller bien. Non, mais moi je suis bon public donc ça va. Banque publique. Je suis banque publique. Randall, si tu nous écoutes, celle-là elle est pour toi. Refaire un remix. Putain, ça va trop loin ce podcast. Bah, le podcast, il va trop loin. Ah, s'il descend sur les couilles, oui, c'est vrai. Vraiment, il va prendre mal le casque. Il fait mal au casque. Hein. Ouais. Oh, mais ce serait un pot de couscous. Le couscous, ça, ouais. C'est bien. Sinon, David, tu veux toujours le conducteur? Parce que franchement, je sais pas si tu vas t'en sortir. Je lui ai donné. Hein. Ah, tu lui as tout donné, là? T'as tout mis? T'as rien gardé? Ah, non, mais juste les trois lignes du conducteur. Ah, le pauvre, il va être sous une montagne. Où il y a marqué présentation Gandalf, dossier Azertov, quiz Astos, c'est tout. Ah, donc on a bien brodé alors. Ah, ça fait une heure. Voilà. Seulement oui. Putain, ça passe vite. Et d'ailleurs, faut rappeler qu'on perd une heure. Ah oui, c'est vrai. Non, on est au mois de 10. Merde, il est 11h moins 10, quoi. C'est juste pour David et Revan qui sont sur le live. Il est 11h10. Chaque minute qui passe, il la perd. Ça a changé les pendules. Il est ça fait un peu tard pour dire. Oh, en fait, on a passé 12 heures. Non, moi je trouve que c'est raccord avec le style du podcast. Les mecs, ils sont en retard au boulot depuis 3 mois. Tout va bien. Bon, en même temps, le patron ne l'a pas vu. Le patron l'a pas vu, c'est et si le patron l'a pas vu, tout va bien. Un couscous, un... En même temps, ça fait un paquet d'heures sup, hein, si on y compte. Ah putain, oui. Ah ben oui. Oh putain, je vais me payer une putain d'augmentation, là, au mois de juillet. C'est bon, ça. Un couscous, un Noël, ça, c'est une bonne idée. Et maintenant, c'est le dossier. Ces gens sont fous. Non, c'est un quiz. C'est un quiz. C'est ça qui est bon. C'est le quiz d'Astos. Bon. Merci inspecteur Gadget. Non mais c'est pas le bon. T'as pas mis ton jingle? Il a mis son jingle à lui. Putain, vous faites chier, putain, merde. C'est le dinceau. Allez, recommence depuis le début. Sors ta BD. Ces gens sont fous. C'est n'importe quoi. Sors ta BD. Oui, oh, le truc. Alors, ça s'appelle Fairyland. C'est une BD avec une petite fille. Ah, mais c'est pas le 8.2. T'as pas une. Non, recommence tout depuis le début d'après-midi. Alors, quoi qu'il se passe. Ah, mais encore, c'est quoi qu'il se passe? Alors, on est sobre, on a. Oui, alors. Merci de m'avoir invité. Mais tu peux nous raconter ton histoire. Hashtag podcast. On va faire un quiz sur les mots du. Les mots patois. Patois tarnais. Les mots patois dans Rakachoua. Quoi? Donc, du coup, je lance le bon jingle. Ah, ok. Mais... Ouais, c'est ça. C'est ni pan ni mauvais. C'est l'électro. Ah, attends. Voilà, merci. J'aurais pas fait 300 bandes pour rien. Non. T'aurais ton un trou de Charlie. Ah, bah, y a pas de petit plaisir. Charlie. Ah, demande à Gandalf. Faut savoir jouer des petites choses. Ah, voilà. Exactement. Bah, redemande à Gandalf. C'est pas mal de pouvoir avoir un jour dans ta vie. Avoir dit une blague et pinch, avoir un coup de charlette sur une blague. Jouer des petites choses, c'est quand t'es pédophile. Ouais, exactement. Oh, Marc Dutroux, si tu nous écoutes. Putain, ça va être dur ce quiz, ça va être dur. Ah, parce qu'il y a un quiz. Putain, il va falloir se concentrer. Et encore, moi, non, je m'en fous, je vous ai pété au 8.2. Vous devez deviner, moi, il me faut lire. Tu l'as duré de ma musique, là, t'es bon, là, t'es dans les clous, mais 1000 fois. C'est-à-dire que tu peux arrêter maintenant, c'est bon. Donc, j'ai fait un quiz que j'ai appelé quiz MMR. MMR. Mais qu'est-ce que c'est? MMR, viens me voir. MMR, ça veut dire mashup de manga Ritter. Oh putain, MMR. Comment? Lors de l'épisode 3.1. Ah, ouais. Moi j'ai tout mis au 8.2. MMR. Alors là, j'avais fait un quiz où j'avais fait des mashup de jeux vidéo. De synopsis de manga. Oui. Les quiz MMR. Non, les jeux vidéo, j'avais fait les Apple Pitch. J'avais pitché à peu près des. MMR. On a perdu elle. MMR, c'est l'heure qu'elle se couche. On a perdu Benoît. Là, j'ai pris deux mangas. 2 grammes. J'ai pris 2 grammes. T'as pris 2 grammes. D'un coup, j'ai mixé les deux pitchs de manga, je les ai mixés et j'ai fait un pitch. Oh, le but du jeu, c'est de retrouver les deux mangas. Manga à chaque fois. Mais je vais jamais, jamais retrouver quoi. Je connais rien. Pareil, hein. Et, voilà, j'enlève et mon de retrouver casque également et tout, un titre qui fasse un peu le mix. Je me roule les clopes. Alors, premier, il y en a 10, comme d'habitude, je fais des petits quiz en 10 questions. Donc, si j'arrive à lire. Un peu comme. Sur le continent, un tournoi est tenu une fois tous les 4 ans pour déterminer la reine la plus belle et la plus puissante. Celui-ci se déroule à Gainos, capitale de la reine, où de nombreuses combattantes arrivent de tous les continents pour battre Aldra, l'actuelle souveraine. L'histoire se concentre sur Toradji. Bisous David. Ishida, sur Toradji Ishida, professeur de kendo, endetté jusqu'au cou. Bien décidé à sortir de sa détresse alimentaire, Toradji se met en route vers Gainos pour recruter 4 guerrières et former l'équipe de kendo la plus redoutable de tout le pays. Je l'ai. Moi aussi. Bamboo Slade. The Earth. Il y a du bamboo. Bleu, jaune, 14, 71, 29. Blade Slayers. La première partie du synopsis que j'ai dit, donc. Le début, je l'ai pas. Un tournoi qui se déroule tous les 4 ans pour déterminer la reine la plus belle et la plus puissante. Blanche-Neige. Le comité avec Jean-Claude Van Damme tous les 4 ans. Le comité de Blanche-Neige. Un truc qui a été adapté à un anime où il y a des filles qui ont un très gros regard. Très profond le regard. Bingo Chakastar. T'as dit quoi? Très profond le regard. Très profond. Donc c'est avec Bamboo du coup, ou c'est avec Blade? Bamboo. Alors, il y a Bamboo au début et Blade à la fin, et au milieu, il me faut un truc. Close. Donc, c'est-à-dire que l'autre a Blade. Quelque chose. J'ai Bamboo Blade et j'ai quelque chose Blade aussi. Bamboo, Jean-Claude Blade. Bamboo, quelque chose Blade. Jean-Claude Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon Blade. Bamboo Blade. J'avais repéré les Blades, finalement je l'ai retiré du synopsis et j'ai pris autre chose à la place. Oh. Un truc où il y a que des filles avec des très grosses. Bambou, attache-moi à Blade. Mais non, il y en a qu'une. Mais sérieux, ça m'a tourné à la tête ce truc. C'est le regard d'une profondeur. Je regarde pas les mangas avec des filles qui se battent. Ah mais t'es gay? Mais on non, c'est rien ça quoi. Des filles qui se battent avec des gros et qui ont des gros seins. Regard profond, de toute façon. Mais on en sait rien. C'est pas le truc où ils se battent avec les fesses? Non, c'est pas Keijo. Bah tu vois par exemple. Le manga type où il se passe rien, c'est un sport aquatique. Non, le manga ultime, Keijo, c'est Keijo, sans moi une visu sur Keijo avec 6 points d'exclamation. C'est un animé sur le sport. 6 points d'exclamation. C'est un manga sur le sport. C'est un manga sur le sport avec des filles qui se battent sur une piscine en bikini. Le but du jeu, c'est de foutre son adversaire à l'eau, en fait, qu'on soit sur des espèces de plateformes. Ah ouais, non, mais alors vas-y, raccroche-moi directement sur YouTube, YouPorn. Le but du jeu, c'est de foutre son adversaire à l'eau, sauf qu'un endroit de taper qu'avec les faces ou les seins. Quoi? Et quoi? C'est à mourir de rire. C'est du genre. Bamboo X-Blade. Non. Putain, ça marche pas. C'est pas X-Blade. Ah, chez moi, ça marche. C'est passé sur le jeu. Je jure, chez moi, ça marche. Il me semble que c'est parti sur le jeu. Perdu ton quiz, quoi. Mais ouais, c'est on comprend rien à ce que tu dis. Alors, j'avais déjà fait un premier quiz qui t'as était j'ai des gouttes de sueur sur le front. D'un niveau basique. Là, je suis passé sur un truc un peu plus. J'ai des gouttes de sueur sur le front. Moi, je le trouverais pas. Moi, je vais mourir quoi. Un truc avec Blade dedans. Bah, Hellblade, Bamboo. Non. Hellblade. Avec où il y a beaucoup de filles qui se battent. Girl. Match Fighting Girls Blade. Blade. Des reines. Queens Blade. Ah. Bamboo Queens Blade. Chaudard. C'est vrai qu'elles ont regardé comme quoi des filles. Putain, Queen's Blade, c'est que des filles avec des gros seins quoi. Qui sont à moitié à poil. C'est pas faux. Oh ouais. Putain, faut que je prenne. Moi, le navigateur il fait grève. Je te montre Queen's Blade. Ah oui, je vois bien, oui. Montre-lui parce que moi, le navigateur il fait grève. Alors, deuxième synopsis. Grève. Ryo Saeda. Saeba. Ryo Saeba, c'est un mec qui est dans le. Ryo Saeba. Et City Hunter. Nikimura. Aussi... sont des nettoyeurs professionnels, mais d'un travail, Nikimura perd la vie. Ryo se voit donc confier la sœur de Mikimura, de Makimura, Kaori. Ah ouais. Elle va devenir son assistante. Son assistante de tous les moments, même les plus périlleux. Ensemble, ils vont participer à un concours très prisé et très dur, où il n'y a parfois aucun vainqueur. De nombreuses personnes de tous les pays viennent y participer. Seulement beaucoup de participants sont là pour l'argent et le pouvoir. Nicolas Sarkozy le game. Alors City Hunter. Oui, il y a du City Hunter. Donc c'est bien City Hunter, mais on sait pas Angel Beats. C'est City Hunter. Je suis sur City Hunter. Donc Ryo Saeba et Kaori Makimura. Donc en français Nikki et Laura. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rio Saiba, c'est Nicky Larson. C'est Nicky Larson. Mais pourquoi baisse sa culotte comme ça ? Par la cochonne. Donc, non, ça sera pour après. Donc il y a du City Hunter quelque part là-dedans. Eh, c'est quoi le temps de pour avoir sa nationalité City japonaise ? City Hunter. Oui. Oh non, c'est violent ça. Hunter City Hunter. Donc le X qu'est-ce ne se pose pas. Ça, donc ça fait City Hunter. Rien dans une glace. Il a même pas trouvé Hunter Hunter. Non mais en fait j'ai pas écouté parce que. Non mais tu peux pas. On regardait déjà la version. T'aurais pas trouvé des images sur Queen. T'aurais pas trouvé t'es trop nul. Pourtant t'aurais trouvé je pense. Attends. T'aurais pas trouvé. Hunter Hunter oui. Participer à un tournoi très prisé et très dur où il n'y a parfois aucun vainqueur. De nombreuses personnes de tous les pays participent. Seulement beaucoup de participants sont là pour l'argent et le pouvoir. Donc c'était Hunter Hunter. Moi je pense que j'aurais reconnu un manga qui on voit jamais la fin. Et la première partie avec Rio Saiba. Bah, tu t'arrêtes au temps 32, c'est une fin. City Hunter. C'est pas obligé de commencer de recommencer après. Alors, parce que après le reste. Elle a de beaux yeux. Le pitch numéro 3. Un an 2003. Le pitch. Le pitch numéro 3. Nicole Pitch. Un an 2003. Le monde découvert par la technologie et la science. Oh non, mais arrête. Enlève-moi ça. Et les robots vivent en société avec les hommes. Au Japon, le respectable docteur Tenma est une figure dominante des sciences et a contribué à une modernisation du pays. Un jour, son fils unique, Tobio, se fait tuer par un accident de voiture. Je dirais parce que je le sais. Pris de désespoir et ne pouvant accepter cette perte, Tenma décide de devenir chasseur de primes et de partir en compagnie de quatre amis traquer les malfaiteurs aux quatre coins de l'univers. Je serais heureux. Il n'y a pas un truc avec Bakano Boy Bebop. Ouais. Allez, Astro Cowboy Bebop. Oui. Oh, oh non, mais à moi, vous m'avez perdu. Attention, je vais m'arrêter le geste. Sur deux. Ah ouais, mais moi, je c'est juste sur une idée que... C'est du cosplay, ça. Donc, les quatre... Ma sortie de Black Lagoon. Les quatre amis, la compagnie de quatre amis, je l'avais mis entre parenthèses avec Jet. J'avais mis Jet, Spike, Faye et Ed. Et le chien. Voilà. Et non, ils ont pas. Non, ils sont. C'est quoi qu'on va au Japon là ? T'es un petit peu en retard, Revan, parce que Bamboo Boobs Blade. C'est oh oui ! Oh, Bamboo Boobs Blade ! Attends, je le fais la prochaine fois. Bamboo Boobs Blade. Bamboo Boobs Blade ! Bamboo Boobs Blade ! C'est le gars qui joue avec. Vas-y, fais-le, je vais trouver. C'est un nickel harpa. Ouais, c'est ça, ouais. Je le fais à Podren, je fais Bamboo Boobs Blade. Ah, ça. Il dit que du V. Tu veux faire autre chose ? Il va se remettre. Tu l'as fait ? Non, tu l'as fait. À Podren, tu l'as fait. J'ai fait. C'est rétroactif. Alors, suivant. Il y en a un qui a la notion du temps. Hein. Vous aurez noté. Ah non, mais ça, il y en a un qui suit. Celui-là, il va être un petit peu compliqué. Hein. Je sais pas si vous l'aurez. Ah, parce que les autres étaient faciles. Par contre, ça chute un peu. Alors, on est sur du Bamboo Slay. On est sur du niveau 2. Donc, Tsukune vient d'être envoyé au lycée privé Yokai par ses parents. Oula. C'est un lieu étrange où des élèves sont des monstres. Tsukune fait la rencontre de Mocha, une camarade de classe vampire. Mocha fait du café. Mocha ouais, est devenue un peu. C'est Gringa quoi. Elle est vampire, mais elle a été sur le site de Doctissimo pour s'en assurer. Je l'ai vu le manga comme ça. Donc, je continue. Mocha est devenue un peu de temps l'idole ouais. Du lycée. Ouais. L'école. Elle se prend d'affection pour Tsukune. Ouais. Mais leur amitié ne plaît pas à tout le monde, notamment à Kaname, le chef charismatique des vampires du lycée, un garçon qui un jour a sauvé la vie d'un pauvre petit chaton abandonné qui avait tellement faim qu'il ne tenait plus debout. Alors que le minuscule étincelle de vie allait s'éteindre, le vampire donna son propre sang au chaton. Oh putain, il a fait un chaton vampire. C'est du vampire flight. Ouais. Il a fait un chapitre. Je vous le dis de suite, il y a 3 mangas dans ce film. Ouais, d'accord, ok. La dernière partie. On s'appelle demain, vous m'appelez quand vous avez la bonne réponse. Il y a du vampire knight. Ouais. Il y a du chaton. Non. Faut trouver le chaton. Il y a du chaton, ouais. Il y a pas de tentacule. Il y a pas de tentacule. Est-ce que la tentacule? Ça va venir après, je pense, les tentacules. Les tentacules aussi. Un couscous à Noël, ça c'est bonne idée. Ouais, du Vampire Knight. C'est Hello Kitty quoi, le manga chaton. Il y a du Vampire Knight. Il y a Hello Kitty. Du Bakemonogatari. Il n'y a pas d'Hello Kitty, il n'y a pas de Blood Lad. Est-ce qu'il y a attachement? Il n'y a pas attachement. Ça m'intéresse pas. Du Bakemonogatari. Il n'y a pas de Bakemonogatari. Vas-y, refais. Tsukune Mocha, c'est deux personnages de même manga, Tsukune vient d'être envoyé au lycée Yokai. Ça aussi, c'est le même manga. Hein. Par ses parents, un lieu étrange où des élèves sont des monstres. Tsukune fait la rencontre de Moka, une camarade de classe vampire. Moka est devenue en peu de temps l'idole du lycée et se prend l'attraction pour Tsukune. Voilà, ça c'est un pitch. Merci. Le gâteau ? Celui-là, je l'ai pas. Voilà, mais leur amitié ne plaît pas à tout le monde, notamment à Kaname, le chef charismatique des vampires. Ça, tu l'as, c'est Vampire Knight. Vampire Knight. Ouais, c'est ça. Bah, je l'avais avec le un garçon qui, un jour, a sauvé la vie d'un pauvre petit chaton abandonné qui avait tellement faim qu'il ne tenait plus debout. Alors que la minuscule étincelle de vie allait s'éteindre, le vampire a donné son propre sang au chaton. Ça, c'est un troisième manga. Non, ça, c'est moi. Ça, c'est... Non, l'autre jour, j'avais un chaton dans mon jardin et puis je lui ai filé à boire. J'avais rien sous la main, je me suis taillé les veines et puis je lui ai filé à boire. Donc, non, j'ai mis un coup de pelle, t'es quelque part, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Il a goût à la viande, du coup. Alors, la dernière partie, c'est l'histoire d'un chaton qui a bu du sang de vampire. Donc, c'est un... Ah, mais je suis pas vampire, donc c'est pas moi. Donc, c'est un chaton vampire. Un chapir. Ah non, un japonais, qu'est-ce que ça pourrait faire un japonais? Un Nico Vampire. Oh là, s'il alors, faut, plus, s'il faut parler japonais ici. Miaou vampire. Miaou. Hein? Miaou en japonais. C'est Niu ou Nia. Ah, Nia. Nia-chan. Et donc, ça ferait. Nia-pire. Nia-vampire. Nia-vampire Knight, machin. Eh, je te jure, c'est jamais super vu, bien. Vous avez jamais vu ce manga. Sans dans la rue comme ça, je suis sûr que tu vas faire du pognon. Vous avez jamais vu ce manga en librairie, hein, sans l'acheter, d'un chat vampire? Peut-être non, pas, je crois pas. Nian Pyre. Ah, Nian Pyre, si, ça me parle ça. Nian Pyre. Donc là, vous avez la deuxième partie du titre qui serait Nian Pyre Knight. Ouais. Donc Vampire Knight, donc ouais, ça serait Nian Pyre Knight. Et donc la of première partie avec Tsukune, un garçon qui va dans un lycée yokai. Ça, c'est un truc récent, parce que j'ai vu il y a. Récent, ça dépend. Ouais. Oui, mais c'est là, cette année ou. Non, c'est fini depuis 2 ans, je pense. Hein. Depuis bien 2 ans. Hein. Deux, trois ans. Comment est-ce qu'on dit 2 ans en japonais? En 2 saisons, une histoire de vampires et de rosaires. C'est une année. C'est pas true plus love, true love, le rouge. Là, je vous ai donné la réponse, hein. Un vampire ouais, et un mais rosaire. Tu nous as donné la réponse, mais bon, en même temps, on comprend pas quoi. Moi, je parle pas japonais. Je les ai pas vus non plus. Exactement. Rosaire, you, Nian Vampire, Knight. Voilà. Putain, pas mal. Ah donc c'est un brésilien japono. Les vampires. Pourtant c'est un truc sur les vampires, mais ça vire très rapidement au truc shonen avec plein de filles autour de lui. Donc, Vampire Knight. Ouais. Non, pas Vampire Knight. Vampire Knight c'est très shoujo. Non, c'est les Rosario Vampire. Rosario plus Vampire. Oui, c'est parti, ça. Mais alors, super. Ou Cross Vampire. Enfin, c'est déjà, Rosario Vampire. Et donc, c'était Rosario Nian Pyre Knight. Puisque j'avais le Nian Pyre. Voilà, tu vois, c'est un truc tout mignon. Avec un madame. Alors, c'est quoi la réponse? Et la réponse, c'était Rosario plus Nian Pyre Knight. Putain, t'écoutes pas, c'est chiant. Je te jure, là, il y a des fois. Non, mais il y a des fois, je suis à deux doigts de rehausser la porte d'entrée. J'avais mixé trois mangas. Ça craint. C'est ça, parce que je comprends même pas ce qu'il faut trouver. Rosario plus Vampire. Ouais. Vampire Knight. Test session. Ouais. Et Nian Pyre. Là, à mon avis, si t'as pas du best-of à la fin. Il fallait trouver le mix de trois mangas qu'on connaît pas, quoi. C'est ça. Ok. Moi en manga, je suis une bille. Hein. Tous les trucs récents, je connais rien. Mais il a l'air balèze en manga, lui. Hein. Ah, mais lui, il parle quoi? Il regarde tout ce qui sort. Il parle manga, tu crois quoi? Vous-même, si tu tapes une initiative. Je parle comme couramment japonais. Comment on dit un chat? Neko. Ah, tu vois? Ouais, tu vois. Non, mais lui. Mon chat s'appelait Neko, tu vois. Comment on dit bonjour? Ohayou gozaimasu. Ah bah tu vois, il parle, c'est vrai. Alors Nihao, c'est certifié. Non, Nihao, c'est chinois. Au revoir. Ah ouais, c'est chinois, je comprends. Mais t'as pas compris. Ça dépend si c'est le jour. Moi je parle chinois, désolé. Je parle pas japonais. Bon, enfin, c'est bon, les anglais ils font pareil, on va pas se branler dessus non plus. On va pas se branler. Alors, les anglais, ah non. Puis suivant, je crois qu'on est à peu près au 5ème, mais je sais pas trop. Ouais, on est au 5ème. Alors, Issei est un étudiant un peu pervers, un peu beaucoup pervers. Franchement, pour avoir vu le truc, il est. Pervers. Il est bien pervers. Il vit une vie paisible, désespérément à la recherche d'une petite amie quand une jeune fille, Yuna Amano, lui demande de sortir avec lui. Le soir de leur rendez-vous dans un parc, cette dernière lui demande de mourir pour elle. et se transforme en ange déchu. Ah, quand même. Cette dernière l'attaque et le tue, le transperçant d'une lance de lumière. Issei se réveille le lendemain dans son lit, persuadé d'avoir rêvé toute la scène. Il remarque alors Rias Grémoré, étudiante de 3e année de son lycée, nue dans son lit. Tant mieux. Elle, ouais. C'est bien ça. Elle lui révèle son identité de démon, ainsi que le fait qu'il l'a qu'elle l'a réincarné en démon pour qu'il vive, afin de l'aider à enrayer les problèmes de persécution et de châtiment corporel dans le lycée en l'assistant des tribunaux scolaires. Alors, quand on parle d'un lycée à l'école, ça doit être l'amour est dans le pré. Je crois qu'il y a plein de j'ai quasiment qu'un seul manga. Il y a vraiment que la fin de la dernière phrase qui est un deuxième manga. Il y a plein de Team Men. C'est du Prison School. Alors, il y a un des deux de Platinum N qui fait partie d'un des mangas du Pitch. Okay. Du coup, c'est le truc, non pas My Hero Academia, mais c'est le truc en 3 tomes qui est sorti en coffret. J'ai lu 2 tomes, j'en suis au 3ème. Judgment Class ou Class Judgment. Exactement, School Judgment. Ça s'appelle School Judgment. Et l'autre, donc, tout le reste du pitch, c'est un autre... ce que vous avez trouvé, c'est vraiment la toute fin. C'est l'aider à enrayer les problèmes de châtiment corporel et de persécution dans le lycée en l'assistant dans des tribunaux scolaires. Tout le reste, c'est un autre. Un truc très etchi. Ils sont vraiment quand même bien braqués. Hein. Très très etchi, avec un mec qui est un peu désespéré, qui est très très pervers. C'est ce que je dis, ouais. Qui se fait tuer par un ange déchu et qui se fait ressusciter par une démone et qui se réveille dans son lit avec une fille à poil qui se révèle être. Putain, mais c'est où qu'on signe ? Une démone. Franchement, c'est un très très bon animé. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est mon style de truc. Mais imagine, tu travailles, t'as un démon à poil là comme ça dans ton. Ouais, mais tu vois, t'as une femme à poil dans ton lit. Non, mais toi, je peux comprendre. Alors. Parmi les deux mots entre School Judgment, il y en a un des deux qui est plus facile à mixer avec autre chose. Un de deux. School Food Punishment. T'aurais pu faire un School Rumble Judgment. Mais School Rumble, je l'ai déjà utilisé la fois dernière. Oh. Le pire, tu vois, c'est que je réécoute le podcast, je vais rien biter. Mais c'est bien le School que j'ai réutilisé pour un autre truc. Donc du coup, c'est un truc en School. C'est que Bob. C'est un truc en school. Moi aussi. Des fois, j'écoute des quiz, je me rappelle toujours pas de ça même. Ah non, c'est pareil. Note pour plus tard, tu vas adorer ce podcast. C'est un truc en school très etchi. Non mais il triche. Cherche school etchi. C'est quoi etchi? Etchi, ça veut dire des années 80. Etchi, ça veut dire. Ça veut dire des années 80 etchis. Non, c'est. Si tu veux, hentai et etchi. Hentai, ça veut dire pervers aussi. Ouais. Mais hentai, tu fais des recherches bizarres sur ton ordi. Etchi, c'est plus dans le voyeur. J'avais dit praise and school, mais. C'est plus dans le pervers voyeur. Alors, school etchi, je tombe sur du. Ouais, mais non, mais c'est pas du jeu, je lui ai un PC. Tu tombes sur Pornhub. Non. Attends, j'y vais. Attends, je reviens. J'enlève ma ceinture. Sur 5, c'est du High School of the Dead. Mais j'espère que ça va pas lui donner un indice. C'est pas High School of the Dead. Mais là, celle-là, on y va bien l'envoyer. Par contre, poussez-vous, bordel. Mais t'es gros. Dans High School of the Dead, il y a un mot que tu peux retenir en plus de School. Oh, of the Dead. Bah, High School. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Je te montrerai ça après si tu veux. Donc, tu as High School quelque chose et School Judgment. High School of the Judgment. C'est dur ton truc quoi. High School Music. Ouais, enfin, c'est péchu ton truc. School Judgment Night quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas. High School Ice. C'est pas possible. School Judgment. Ils ont une sacrée personnalité. Non, c'est pas ça. High School DXD. Bah, ça dépend à quel niveau tu mets la personnalité. Hein. Exactement, c'est High School. Pas mal. Ce sont les High School DID. Je les ai pas lus non plus. C'est extrêmement pervers. C'est-à-dire que le mec, il a une espèce de gang de dragons et en fait, plus il pelote de seins ou de filles ou quoi, plus il gagne de puissance. C'est parti. Mais moi, je veux faire ça plus tard. Pour ensuite se transformer en dragon. Il y a une école, il y a un diplôme. Quand je serai grand, je veux faire ça. Il y a un animé sur High School DID, sur High School DXD ou DD. Et il y a 2 saisons. Hein. Honnêtement, les 2 saisons sont très très bien. Même les hors-séries, les mini-épisodes. Ah, il y a Kelly que je reste. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi aussi, clique sur vidéo. Juste pour voir. Chaud. C'est vraiment la guerre. Chaud. cacao. C'est chaud ce truc. Cacao, chocolat. Non mais c'est décidé, moi je me mets au manga. Castablute et Pulmolo. L'héroïne, c'est moi, honnêtement, franchement, Revan, ça dépend. Contexte, je suis pas sûr. Est-ce que tu as les cheveux rouges? Non, mais elle a une petite culotte sur la tête. Est-ce qu'elle a des seins comme une maison? Une culotte en forme de renard. Une petite culotte sur la tête. Est-ce que tu aimes les renards? Merde, comment ça s'appelle déjà le truc? Oui, les Shimoneta. Oui, les Shimoneta. Les Shimoneta. Shimoneta, ouais. Elle y connaît une plainte. Enculé, mais elle parle japonais en plus. Je te ferais dire. Les Shimoneta, ouais, c'est. Tous les jeux vidéo. T'as sorti le titre complet du coup. Ouais, les Shimoseka. Ouais, ouais, en 2 minutes, c'est. Je te ferais dire. Excellentissime. Je les ai regardés deux fois. Bon, la dernière fois, c'était un peu moyen. Alors, pour expliquer, pour ceux qui connaissent pas, ça se passe dans un Japon. Dans un Japon futuriste. Où tout ce qui est porno. Porno. Illégal. Est interdit légal. Ah merde. Complètement illégal. Ah, au contraire. T'as même pas le droit d'en parler. Même ce qui est érotique. Si t'en parles. Tu te fais. Oh, tu non, te fais oh, caca! On va passer à autre chose, c'est tout pas grave. Caca molle! J'ai en fait, tu as un bracelet et un collier qui contrôlent tout ce que tu fais. Et donc, tout t'as ce pas qui le droit de te branler, toi, par exemple? C'est le caca! C'est caca! Et donc, tu vas suivre l'histoire d'une fille et d'un mec qui se fait enrôler par la fille, en fait, qui sont des héros terroristes, en fait, qui sont des. Hello! En gros, c'est c'est des mecs qui. Ce mec s'amuse à balancer des photos pornographiques dans des lycées en fait. Ah bah comme chez nous. En fait, ils font de la des cours d'éducation sexuelle voilà, en leur montrant de la reproduction des mouches. Parce qu'ils n'ont pas le droit de montrer autre chose. Et c'est génial. Comme c'est à mourir de rire. Et il y a une madame à droite qui a une coupe de cheveux en forme de voilà. Non, celle-là, elle a des. Mais il y en a une qui a une culotte sur le nez. Il y a une fille qui a n'importe quoi. Il y a une fille qui a une tête de bite avec sa coupe de cheveux et l'autre, elle a une culotte sur la mais gueule. Mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre? Mais c'est. En fait, ils sont obligés de se camoufler, de se cacher parce qu'ils sont recherchés. Ah, parce que tu crois qu'avec un slip sur la tête, tu te camoufles? Eh ouais! Tu l'as fait, c'est bien des japonais. La preuve. Alors, mais si Revan connaît Shimoneta, franchement, respect. Si, moi, je respecte tous les gens. À mon avis, elle a l'air pointue. Tous les gens qui connaissent le titre complet de Shimoneta, donc c'est Shimoseka. À mon avis, elle répond à tous tes quiz. C'est vraiment. Elle répond à tes quiz. C'est vraiment énorme. C'est pas des pieds que t'as, toi. C'est des palmes. C'est des palmes, vraiment. Avec la fille qui. Palm Beach. Ah non, c'était le point 2. Excusez-moi. Avec la fille qui s'amuse à dessiner du yaoi, donc de la romance amour entre hommes avec ses pieds, parce qu'elle ne peut pas dessiner avec sa main. La romance amour entre hommes avec ses pieds. Ouais, parce qu'elle a le bracelet au poignet, donc elle ne peut pas dessiner avec le poignet. Du coup, elle fait ça avec le pied. Non, c'est avec la bouche qu'elle fait. Elle dessine avec le pied. Et là, on n'a pas besoin de deviner et tout, mais. Et après, c'est avec le pied. Et en fait, c'est moi ou ça part n'importe comment? Je comprends rien. Ouais, d'accord. Ça part vraiment n'importe comment. Ouais, très bien. Ils sont là. Je vais continuer mon quiz. Bah, ah, parce que c'est pas fini. Ah non, je crois qu'on est à la moitié après là. Oui, c'est ça, on est à la 6. Donc, bon, excusez-moi, ça va, 1h30. La 6, la 6. Qui c'est qui va au ski? Ruff, ruff. C'est la 6. Ah, bah, au moins, tu me vois. La 6, il va te faire le bruit du sauveur tout à l'heure. Non. C'est bon. Pitch suivant, je vais essayer de pitcher la suite. Ça ira. Donc Sora et Shiro, frères et sœurs, sont connus mondialement. Oh, ça sent l'inceste. Sur internet, pour leur qualité de gamer. Ça passe. Expert. Pour eux, le monde réel n'est qu'un énième jeu moisi. Mais un jour, ils sont appelés dans le monde parallèle par un garçon qui se fait modestement appeler le roi. Dans ce monde, jour après jour. À minuit pile, le roi. Alors, il y a No Game No Life. Donne un ordre qui doit être exécuté sous 24 heures. La sanction. En cas de désobéissance, éteint la mort. No Game King Game. Suicide ou meurtre. King Life. No Game King Life. Puissances occultes ou crimes. Moi, j'aurais dit No Game No Life. Ils ont trouvé. Et de sang, Sora et Shiro ont tenté de devenir les sauveurs de l'humanité. Ils ont trouvé. No Game No Life. Et King Games. Non, No Game No Fuck. Ouais. Non, c'est moi. No game, no king. Pas de jeu. Sans déconner, bravo. Bravo, vous avez trouvé le king, mais le plus tôt. No kings, on applaudit. C'est sature. Non, non, no kings, life game. Non. Kings, no game, life. Donc j'ai no game. J'arrive pas, je passe un cross. Si les gens nous voyaient. Donc, effectivement, vous avez trouvé les deux mangas. Ils ont cartonné. Il s'agit de. C'est les copains. King's Game et No Game. Et No Game, No Life. J'en ai vu aucun des deux encore. Ouais, ah mais ils ont trouvé les pitchs. Les King's Game sont vraiment. Par contre, il a vu tout Alpha France. La saison, on est d'accord. Il n'y a qu'une saison de. No Game, No Life. Attends, ils font ça sur les animés. King's Game, il y a 4 saisons. Ouais, mais je lis toujours beaucoup de mangas, mais les animés, pas du tout. Donc j'ai donc le pitch donc le pitch mon pitch le mashup alors que le pitch c'est une bite d'accord le mashup donnait donc No King's Game. Oh ouais. Ça va super bien. Non, alors, pour info, Revan, j'affiche ta photo de Léorine de Shimoda. De Shimoda, ah ben, mais franchement, bravo. Ça, c'est le genre de truc à finir en cinéma. Meuf là, elle existe en vrai. Ah, moi, je respecte. Elle est pas dans un manga, elle existe en vrai. Franchement, des trucs comme ça, je respecte. Chapeau bas. Moi, je pense que il a déjà vu en vrai, quoi. Je respecte. De quoi? Non, Revan ou la culotte? Pas les deux. Non, mais précise. Non. Alors, putain, non, déconnez pas, les gars. C'est la culotte début d'anime ou fin d'anime? Parce qu'à la fin de l'anime, elle met une culotte usagée. Alors qu'au début, c'est des culottes propres. Revan, je te respecte. Je t'adore. Je te fais des gros bisous. Ils sont cons, on est bourrés comme des coins. Enfin, eux, surtout eux. Moi, ça va très bien, je suis au Mont d'Arbor et tout va bien. Si t'arrives à faire ça, t'es pas bourré. Non, faut que tu tapes sur ta tête et tu frottes ton ventre. Ouais, non, là, moi je suis au niveau de la bite et du sternum. Et après, tu fais l'inverse. Et tu fais l'inverse. Non, tu tapes sur la tête. Non, tu arrives pas là. Non, j'ai fait l'inverse, j'ai déjà fait l'inverse. Tu tapes et tu frottes. Tu frottes et tu tapes. Et après tu changes. Moi je sais même pas. J'ai pas envie de me décoiffer. Non, toi ça se voit. Le mec il est posé, il est comme au comptoir. Là, allez, il est comme encore ce, tu sais là. Moi je suis bourré, j'ai 40 balais, je m'en fous. Je suis posé. Bah voilà. Ah, je suis bien. Ouais, je suis bien. Ça m'est pas fini un peu, je picole avec des copains. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Marrant, les petits jeunes. Moi ça fait 6 heures que je picole avec des copains. Je suis bourré et je suis content. Et j'ai pas besoin de taper sur ma tête. Ok, et tu vas dormir tout seul. Mais je vais bien dormir. Allez, pitch suivant. Depuis 3 ans, le ciel de Tokyo est recouvert par un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre qui se déplace tranquillement. Independence Day. Asano. Exactement. Asano. Bien que déconcertant, le vaisseau ne semble pas pour autant. Ne semble pas représenter une menace. Les habitants continuent de vivre leur vie sous cet étrange décor. C'est ça, mais Ketsuo. C'est 3 années en paix. Sugoi. On t'a endormi de l'exigence de l'humanité. Asano et l'exomile. Ouais. Atao Ketsuo. Elle ne remarque pas que l'envahisseur s'est infiltré au sein de la population. Un groupe d'étudiants du lycée Fujimi. Canada, Illuminati! Ainsi que leur infirmière scolaire se sont réunis afin de tout faire pour survivre dans cet apocalypse. Illuminati, envahisseur. Alors qu'est-ce qu'il a dit, lui, monsieur? Los Angeles, 1984. Et moi, c'est. Dead Destruction. Et donc, ça fait. Yeah! Dead Destruction. Ça fait qu'à mon avis, il a un gros problème de bégaiement qu'il a compris. Mais non, ça fait. Yeah! Oh yeah! Il a trouvé! C'est effectivement du Inuan Asano avec le manga Dead Demon. Destruction. C'est comme bon. Alors, pop. Et donc, le tout mixé avec du High School of the Dead, du coup ça faisait High School of the Dead Demon. Ok. Asano. Ah merde, putain, Revan, t'as loupé la séquence. C'est con, t'as loupé le moment où j'affichais ta photo, donc tant pis. Eh, franchement, t'avais une tronche. C'était culotte. En Chine, ah ouais, eh, t'avais une culotte, mais alors d'une rigidité. Ah, la culotte, c'est moi qui culotte. Phénoménal. Allez, on va essayer de finir. Il en reste encore autre. On va essayer de se finir. Ouais, on va y arriver direct. En deux minutes bon, avec eux. On va trouver un temps là. Ils vont dire des trucs. Si Cyril allait revenir, on va pouvoir nous aider. Pourtant, les dames, en plus, c'est pas très long. Ils vont dire ouais, c'est ça. Tac, tac, tac, tac. Je crois que le mois d'août. Alors, c'est parti. Pour échapper aux brimades de ses camarades, Toru a une philosophie: s'exposer au minimum au regard des autres. Car dans la vie. Dans un monde où chaque chaque enfant possède désormais une faculté de voir entre guillemets les choses, il est exceptionnel de confirmer il est l'exception qui confirme la règle. Se faire oublier est pour lui une question de survie. Mais tout bascule pour Toru le jour où il fait la connaissance d'Emilia, une jeune fille aux cheveux d'argent qui l'entraîne dans une dimension peuplée de monstres et d'ennemis en tout genre, particulièrement hostile. Le jeune homme a juré de la protéger, mais il ne résiste pas longtemps dans un monde violent où il est tué rapidement. Pourtant, il revient d'entre les morts. Je te confirme. À l'aide de pouvoirs qui le ramènera toujours à son point de départ. Alors, c'est toi qui l'as. Battle Shock. Non, c'est toi. Et du Re:Zero Starter. C'est pas la peine, c'est trop tard. Non, le premier, c'est pas le BBB. Tu en as un devant celui-là. Oui, il y a le Re:Zero. Mais les fours, c'est dur, hein. Ah, il fait ça, oui. Donc, Re:Zero start le New Life in a New Juste World. Juste wow. Ça c'est que un, ça. Arrête-toi, ça, c'est que un, ça. Arrête-toi à Re:Zero. Arrête-toi à Re:Zero, c'est très bien. Et puis après, tu me dis là que merci, merci, moi aussi, je vous fais. Bisous, Rayman. Pour échapper aux brimades de ses camarades, Toru a une philosophie: s'exposer au minimum. Toru, c'est dans Jackie Chan, c'est le. Car dans un monde où chaque enfant possède désormais la faculté de voir, entre guillemets, les choses, il est l'exception qui confirme la règle. Se faire oublier est pour lui une question de survie. C'est Re:Zero. Exactement, mais j'avais fait Iris Re:Zero. Ah. Mais ça marche aussi, Re:Zero. Donc c'est le manga que t'as parlé là-bas. Re:Zero. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Un manga. Ils vont trouver. Ah, il y a du dossier bientôt. Un manga duquel j'ai déjà parlé au cours de. Vas-y, au revoir, Evan. Non, mais c'est celle-là que j'ai affichée en fait, Evan, hein, cherche pas. Attention. Voix bizarre. Ah, tu me l'envoies sur mon mail perso. Ah si, histoire que je me regarde. Non mais elle est sur Twitter, donc du coup c'est dispo. Ah d'accord, non mais je vais avoir la flemme d'aller la chercher. Et donc voilà, autant. Parce que là c'est pas autant Re:Zero, je vous conseille vivement l'animé. Autant Re:Zero, je vous avais déjà conseillé vivement. Ouais. Le manga. Mais ouais. Re:Zero, très joyeux comme manga. Et 0-0. La bite à. C'est bien. La bite à Toto. Re:Zero, un mec qui meurt en boucle mais qui ressuscite tout le temps. 0-0 égale la bite. Re:Zero, un manga où tu es content quand le héros meurt. Parce que comme ça, il arrête de souffrir. 0-0, 10 000, ma bite. Sinon, c'est comme ça tout le temps. Il faut dire 10 000 avant. Non, parce que moi, je fais 300 km tous les mois. Non, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Non, moi, là. Tous les mois aussi. Il n'y a pas de soucis, je l'ai fait. Alors, allez, on va essayer de finir en force. Allez, encore deux. Il en reste deux. Encore des quiz. Gandalf en remballe, il en reste que deux. Que deux. Alors, Natsuo est secrètement amoureux de Ina, sa professeure d'anglais. Attache-moi. Ah, mais on l'a vu tout à l'heure. Tu nous l'as dit tout à l'heure. C'était le truc que t'aimes bien. Lors d'une soirée, il est rentré. Attache-moi. Catch me. Je suis pas celui-là. C'est un de ceux qui l'a sorti de son dernier talent. C'est quoi? Lors d'une soirée, il rencontre Rui, une fille peu sociable avec qui il a une aventure. Peu de temps après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme. Mais je sais ce que c'est. Rui et Ina. Il est au sac. Ça va vite bien alors. Je vais être à l'enfer. Ah, c'est zéro, c'était Love Cross Dilemma. C'était Love Dilemma, mais attention, je n'ai pas pitché le deuxième. A mon avis, ça suffit pour qu'il se branle. Oh, non, faut pas que ça. Tiens, c'est ça, il est trouvé. Tu as trouvé Love Dilemma, il est pas. Attention, il est, tu l'avais dit tout à l'heure. Ah, moi, enfin, il y a un mois. Moi, il y a un X. Je vous l'ai pitché il y a quelques épisodes. Moi, il y a oui, il y a deux mois que nous en avons parlé. On a bon souvenir quand même. On se rappelle le mec avec sa prof d'anglais et tout. Attention, deuxième partie. Deuxième partie du pitch. Ça vise à bien avoir un véritable enfer. Il sera un. C'était ça. Comment? Oh putain! C'était ça avec sa prof d'anglais. Le salaud. Oh, tu vas attaquer une fucking doumine? C'est en japonais. You fucking doumine! En japonais! En japonais! You fuck my wife! You fuck my wife! Oh, alors, comment on dit? Je connais au montage. Il va... Ah non, mais il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Ah, c'est ça, tu l'avais dit tout à l'heure. Ah, c'est toi qui vas te content. Alors, c'est quoi? Tu l'as dit. Et le deuxième, donc, c'est quoi? Je continue mon pitch. Ouais, le deuxième, on a trouvé le premier. Ouais, c'est pas possible. Sa vie devient alors un véritable enfer. Il se rend donc à la pension tenue par sa grand-mère qui lègue durant son absence la gestion de ce foyer pour filles. Commence alors une de groupe au gré de l'humeur de chacune des pensionnaires au caractère bien trempé. Parce que c'est que des connasses ou des filles faciles. Donc t'avais dit quoi le titre? Love Cross Dilemma. Ouais, c'est ça. Yes. C'est Lovina Dilemma ou Lovina Cross Dilemma. Ça sature pas, c'est bon. Arrête, ça va saturer. Ça a été tellement long le pitch que même dans le chat ils ont eu le temps de trouver. Ah non, mais attends, ah, on avait trouvé avant la fin du pitch. Rayman est en train de chercher sa photo de petite club que j'ai affichée tout à l'heure. Donc... il y a des décalages, je vous fais des bisous. Il y a trop de. Ah, tous ces gens qui nous font des bisous. Nous aussi on vous fait des bisous. Bisous, Rayman. Non, tu nous as fait un bisou à 21h22. Ouais. Moi je te fais un gros cuni à 21h22. Et après on dit que c'est moi. Après on dit que c'est moi. C'est ça. On dit que c'est moi. Moi je m'en fous, je suis pas jaloux. Fais gaffe, ça sera pas coupé. Mais alors ça c'est du lag là alors. Est-ce qu'une cuni s'est trompée? Bah ça dépend. À débattre. Ça dépend si c'est Jospin. Ça dépend si c'est Strauss-Kahn. Si, si, Strauss-Kahn, oui. Mais Jospin, c'est pas, il faudra essayer. Cet épisode, il est, mais où? Les gens vont mourir. J'imagine Jospin qui fait un kiki. Ça n'a jamais été autant de bordel. Je quitte le gouvernement. Il va falloir qu'il me dise. Ah non, il peut pas. Lui, il serait mort, non? Est-ce que tu es sûr de vouloir sortir cet épisode? On ne peut pas faire un cuni. Ah bah, si tu ne sors pas, honnêtement, moi je crée au scandale. Allez. Attends, j'ai fait 6 bornes. 600 bornes aller-retour. Si tu le sors pas, moi je te fous le feu. Accrochez-vous, on est au 10ème. Allez, le dernier bis sur 10. Ouais! Je plains les auditeurs quand putain, même. Après, on va marcher. Tu vas voir, on va le faire en 2 minutes. En 2 minutes. 2 minutes, pas plus. Dans un monde où 90% de la population possède un super pouvoir, les héros font partie de la vie, de la vie quotidienne. C'est My Hero Academia, ça. Voilà, déjà. Ouais, My Hero. C'est My Hero Academia. Tu l'as dit. Voilà, déjà. Ok, c'est fait. C'est Ichiro. Ichiro. Ichiro. Ichiro. 58 ans. Vieux Ichiro. Vieux avant l'âge, méprise tout. Ah, vieux avant l'âge. Ichiro. Last man, Iyonashiki. Ouais, c'est ça. Par l'auteur de gauche. Par un mec qui parle japonais comme moi, je parle pas le mec. Il a trouvé. C'est ça. Il était facile. Pour le coup, il était facile. Putain, c'est surtout que c'est des séries que je fais. Allez hop. Moi, je dis, il a trouvé. Ouais, moi je dis, il a trouvé carrément. C'est Ichiro. Ichiro, 58 ans, vieux, avant l'âge, méprisé de tous, a vécu toute sa vie un employé de bureau minable. Oh là là, quel con. Et n'a pour tout ami méprisé que sa chine, même Inako, sa famille, hein. Pourtant. Non mais attends, pourquoi il parle moins? Il a un japonais. Devenir un héros et suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% de la population. Kyoshima. N'ayant le problème, aucun c'est pouvoir. Kyoshima. Mais toi, t'as un super. Son destin est bouleversé. Un soir de pleine lune, alors qu'il pleure de désespoir dans un parc. Une lumière éclatante apparaît et c'est l'Impact. À son réveil, étendu dans l'herbe, il n'est plus le même. Il est transformé en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu'il veut de ses nouveaux pouvoirs, le meilleur comme le pire. Je suis Batman. Quand je parle, ça enregistre. Alors là, faites-moi le mashup, sinon j'accepte pas. My Hero Academia et Last Hero. Last Hero Academia. Voilà. Yeah! À noter que ça prend le pitch de vivre de Akira et Kurosawa. Donc c'était Last Hero Academia Inuyashiki. Qui était dans. J'en ai pas parlé tout à l'heure. My Hero Academia et de Last Hero Inuyashiki. J'avais un perdu. Et c'est un sans faute de toute l'équipe! Le truc avec les snaps! Ah, la fontaine se cachait! Ah, des snaps! Avec les deux japonais qui sont là. Et tu veux trop des drogues. Je pense qu'avec le taux d'alcool émis, je peux vous refaire le précédent quiz mashup manga. Ouais, mais on est à 1h52 donc non. Rien du tout. Honnêtement, moi j'ai rien compris, mais j'ai adoré. Je me suis régalé. Franchement, j'ai pris un cours accéléré de japonais et c'est excellent. Benjir, président. C'est qui dit ça? Je sais pas, Zerto. Ouais. C'est toi qui dis ça. Vous. Yeah. Ouh, alors, c'est quand le prochain qu'on recommence? Dans 3 mois. Ah, bah, moi, j'ai envie de dire. Merci pour ce quiz. C'est très visuel, mais alors franchement, c'est navrant. Navrant. On aurait dû faire à la fin du quoi qui se passe. C'est ça. C'est très dommage. Quiz. Wow. Elle est où la suite parce qu'il faut que j'éponge. Reculé. Hey, c'était bien. On va aller marcher pendant la. Mais moi, j'ai rien compris. C'est comme si c'était un Camoulox de 1 heure. C'est ça. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a des gens que qui répondent des trucs. 10 heures, il y a des mots qui sortent dans des langues qui n'existent pas. Parce que c'est un mélange de japonais, de français, d'anglais. Et qui répondent à un type qui lit des trucs qu'on comprend pas. Donc c'est vraiment genre. Ouais, ouais. Et après ils sont contents, ils ont dit ça. Moi j'ai passé une heure, j'ai rien mité. Ah, mais c'est ça. Je sais pas ce que j'ai lu tellement je suis bourré là. Néclabo de la mousse la clouche. Ouh, Kenap Clacloch. Kenap Clacloch. Kenap Clacloch. Kenap. Non, on comprend rien. Tu te rends compte la gifle qu'on prend là comme ça? Oui, on comprend rien du tout. Le podcast hyper rural normal. Ah, bah, je l'ai enterré, mais alors en dessous. Alors, bah, on va passer à la. Et musique, roule avec moi, c'est roulez bourré. Quoi. Guerre civile, hein. Marine l'a fait. Roulez bourré avec Toche. Ah ouais, roulez bourré avec Toche. Roulez bourré avec Toche. À 7h du matin, bourré. Franchement, ça va faire. Podcast mal. Arrêté par la police, on comprend pas. Bah, j'ai plus de permis, il n'y a plus de podcast. Podcast à 2 grammes. On va faire une ulule pour refinancer le permis. Ah oui, alors si vous voulez. Le permis au Sénégal. On est au mois de juin, donc normalement, j'ai perdu mon permis depuis 2 mois. Soyez sympa. Il va falloir à peu près 1500-1700 euros. Donc d'ici là, j'aurais dû ouvrir un hule. Un hule pour financer une canne de kiwi. Il manque le hule. Voilà. Il manque le hule. Bah ouais. Allez, je suis sur les cuisses. Franchement, si vous avez que ça à faire, filez-moi 1700 euros. Donnez à l'arc. Non, par contre, sans déconner. Sans déconner, vraiment, filez-moi des thunes. J'ouvre un hule, filez-moi l'argent et je le redistribue. Je moi, garde si rien pour moi, je mets tout, je tape dans le fond, je suis pas votre mère. Et je remets tout ailleurs. Et ces gens-là sont formidables. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'argent? Moi, je m'appelle Ben Girard, j'ai un podcast qui s'appelle Diagonale du Vide. Faites un ulule à moi. Et moi, sans déconner, la thune, je la garde. C'est pour moi. Je veux de l'argent. Non, c'est pour moi. Alors voilà, sincèrement. Sincèrement, qu'est-ce que tu veux que je fousse de l'argent? Moi. File-moi du pognon, je le redistribue. Moi, je le garde. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas d'accord avec les propositions. Non, mais ces gens qui aiment pas les cunilingus, moi ça m'énerve. Monsieur, moi, j'aime l'argent. J'aime l'argent, j'aime les cunilingus. Alors, Révan. J'aime tout. Non, prends les rênes, attends. C'est parce que Révan, elle a pas été au bon magasin. Putain, t'as les mêmes réponses que moi. Je me vante pas. Je me vante pas, mais Madame Tocheux. Elle voilà. Bien. Voilà. Reprends les rênes. Alors, je reprends les rênes. Allez, allez, on reprend là tout ça. Non, non, mais sérieusement, moi, je si je perds mon permis en rentrant, s'il y a un Lulu. Il y a S'il y a un gros hibou qui me file de l'argent pour me payer mon rachat de points. L'argent. Tout l'argent. Jackie Lorenzetti. Voilà, je le remets et je le redistribue. Je garde rien pour moi, je mets tout grand seigneur. Il n'ira jamais. Donc, l'argent, ça sert à rien. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu descend du train et gonfle avec nous. Mollet. Alors, si ce podcast est sorti. Respect au président Jean-Luc Mélenchon. Et depuis quand alors depuis qu'on est tous en vélo et tous en bleu de travail, c'est génial. Tous en bleu de travail et l'envélo, c'est génial. On est tellement bien. La culture, alors en fait ta musique. Alors la musique, c'est Child. Donc c'est un groupe de Non mais c'est fini là. Ah bah oui. Alors Blue. Ah, non mais moi j'étais bien là. Moi mais on va continuer. On était bien. Moi j'ai pas fini de boire. On peut faire un roule avec au chaud en extérieur. Ouais. On va tous dans la bagnole. On fait un marche. On va tous dans la bagnole et on y va. On fait un roule. On fait un roule avec au chaud version marché parlé. De toute façon on va dans la rue, on roule tout seul là. On roule et tout. On y va, on roule. Non, non, mais attends. Moi j'ai un truc, c'est si on faisait un reste autour de la table avec Toche. Parce qu'honnêtement, marcher, non, là. Alors, reste pas, autour de la table. Si, rouler, c'est même pas la peine. Moi je veux bien, mais faut. Ou alors sous la table. Mais d'abord, faut que j'aille pisser. Faut que je fasse caca. Bon, allez, vas-y. Clôture. Faire ta musique. Alors, c'est bon. Mais c'est Child. Super votre truc. Child, non. C'est un groupe. Alors, juste avant, oui. Moi. Ça veut dire enfant. Child, t'es pas un peu. Child, c'est bombé, bon. Child, ça veut dire enfant. Ça veut dire enfant. Parce que tu peux pas faire durer. Non, mais tant que. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va pourrir le truc jusqu'à la fin. Moi, je suis très content d'être venu. Très content d'avoir bu, d'avoir dégusté, d'avoir discuté, d'avoir découvert des trucs. Moi j'adore Attache-moi, franchement. C'est de la découverte du bouquin. Ah ouais, non mais la prochaine fois je ramène le tome 2, 3, 4, 6. On a fait un truc génial. Et il pleut. Si on vous propose à venir dans l'émission, réfléchissez pas, venez. Ouais, venez, ouais, ouais, venez. Ouais, il y a du ouais, bon ouais, dans les ouais, franchement, viens. Voilà, je suis bordelais, je suis même sur casque. Vous en faites pas, ils vont pas vous manger. Non, enfin, non, ce que vous croyez. Sauf si on est ensemble. Mais là. Ouais, voilà, mais ça après, c'est. Manger une champignon. Ouais. Ouais, ouais, il a raison. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, moi je suis d'accord mieux. Avec lui. Ouais, c'est pas fou. Franchement, allez, venez. Merci. Viens de nous on avoir invités. De nous avoir donné la parole sur votre cul. Attends. On est désolé d'avoir pourri votre nom, votre timeline, mais franchement c'est cool. C'est pas trop dur d'être c'est pas trop dur d'assumer d'être les prochains plan B. Il est fin, il est plus fin. Mais vraiment. Attention, 2 heures cognées. En fait, on a fait 14 épisodes. Hein. Voilà. Donc, du coup, la musique, c'est. Alors, c'est Child, c'est un groupe australien. Quand tu fais Bandcamp, ils ont sorti 2 albums, donc Child et Child. Ils sont pas emmerdés. Et là, ils ont sorti, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, il est sorti fin 2016. Et là, la musique, c'est Blue Side of the. Je sais pas quoi. The Collar. Blue Side of the. Ouais, si je vois pas le titre, il est où? Là. Ah, Blue Side of the Collar. C'est quel groupe? Child. Et donc, c'est du blues rock stoner. D'accord. Donc du coup on se dit peut-être à l'année prochaine. Merci d'avoir tenu. Au mois prochain. Les mecs. On se donne rendez-vous le mois prochain. Ah mais voilà, dès qu'on peut, franchement dès qu'on peut. Désolé pour votre. Désolé, merci. Non, moi je suis pas désolé, franchement j'adore. Désolé pour les podcasts, Pop Award, on y sera peut-être. Et surtout, roulez avec moi, roulez avec Toche. Ouais, roulez. Et roulez rural. Des bisous, à bientôt. Gone away in 22 years. He's got a snake on his arm now. And golden rings in his ear. intended. I wear that blue collar around my neck. Oh, when those ripples on my feet, I ain't talking about a no beach. All the words that you show me, man, yeah, they really got them changing my life. All the words that you show me, really showed me that's true.